Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Ce soir, c'est Raphaël qui est avec nous. Bonsoir. Je vais faire un peu d'animation musicale pendant cette soirée. Donc j'ai eu l'idée de commencer. C'est la première fois que je viens au Mardi de l'Espace par un petit pot pourri de ce que représente l'espace intergalactique pour un musicien trentenaire de nos jours. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme, aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. This is ground control to Major Tom. You really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. She's just a cosmic girl from another galaxy. Il est du côté de, la force obscure, hein. Il est peut-être du côté de l'énergie noire, hein, Dark Vador. Hein. On peut se poser la question en tout cas. Donc merci beaucoup à tous d'être avec nous. On est tous présents. On a nos twittos qui sont là ce soir, qui vont faire le récit de la soirée qu'on va vivre ensemble autour de l'énergie noire et qui vont faire ce récit sur Twitter. Vous pouvez suivre cette discussion, vous pouvez y participer aussi avec le hashtag KnessTweetUp. Et donc, vous pouvez poser éventuellement vos questions via Twitter si vous le souhaitez. Raphaël est donc avec nous également. Et voilà, on va donc parler ensuite ensemble d'Euclide et le mystère de l'énergie noire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que ça fait assez polar comme titre. C'est-à-dire cherché, évidemment. Alors, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de meurtre. Mais il y a du suspense quand même dans notre histoire. Enfin... Quoique, quand je dis qu'il n'y a pas de meurtre, il y a quand même quelque chose qui a été tué dans l'histoire. Et ce qui a été tué, c'est nos anciennes conceptions. Effectivement, si on se retourne 15 ans en arrière, donc on est en 1998, et il y avait une grande question qui passionnait les cosmologistes, c'était « Où va l'univers ?» Et à l'époque, il y avait deux réponses possibles en fonction d'un certain paramètre physique qui est la densité d'énergie dans l'univers. Alors, selon que cette densité était faible... Eh bien, dans ce cas-là, on imaginait qu'il y avait l'expansion, vous savez que l'univers est en expansion, eh bien que cette expansion allait se poursuivre jusqu'à la fin des temps, en se ralentissant lentement, mais jusqu'à la fin des temps. Et puis si la densité d'énergie était élevée, au contraire, eh bien, à un moment donné, la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce entre tous les corps spatiaux, cette force d'attraction gravitationnelle finirait par l'emporter sur le mouvement d'expansion de l'univers, et on assisterait à un retournement de cette expansion, et finalement l'univers se rétracterait jusqu'à disparaître dans une sorte de Big Bang inversé. Alors on en était là en 1998, lorsqu'on a eu des observations tout à fait étonnantes à partir de certaines supernovas, on va en reparler évidemment ce soir, et à partir de ces observations, eh bien on s'est aperçu apparemment que l'univers en réalité irait, va, en s'accélérant. L'expansion de l'univers s'accélère, c'est-à-dire qu'elle fait ceci, et hop, elle va de plus en plus vite, et donc de façon tout à fait étonnante. Alors quelle est la cause de cette accélération? Quel est l'agent de ce mouvement accéléré? Eh bien, peut-être une mystérieuse énergie noire, effectivement, on ne sait pas grand-chose d'elle. Une sorte de système, si je puis dire, qui exerce une pression négative, c'est-à-dire au lieu, comme la gravitation, d'attirer les corps, elle les repousse. Quelle est la nature de l'énergie noire? On ne le sait pas. Bref, vous voyez, on a des questions fondamentales qu'on va se poser ce soir, et peut-être l'une des questions les plus importantes, sinon la question la plus importante qui occupe aujourd'hui les cosmologistes, c'est effectivement actuellement celle de l'énergie noire. On va en discuter tous ensemble, je vais vous passer le micro, et puis vous allez pouvoir poser vos questions à nos deux intervenants qui sont des spécialistes du sujet. Ce sont des grands manitous de l'énergie noire. Ils sont là avec nous. Merci infiniment de les accueillir, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de Yannick Mélier et d'Olivier Lamarle. Yannick Mélier, est-ce que vous voulez prendre le micro et nous dire... Normalement, ça marche, sans toucher à rien. Alors, hop. Yannick Mélier. Je m'appelle Yannick Mélier, je suis astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris, où je travaille essentiellement dans le domaine de la cosmologie et des lentilles gravitationnelles et l'application des lentilles gravitationnelles à l'exploration de l'univers extragalactique et à la cosmologie. Alors, il y a plein de grands mots là-dedans, les lentilles gravitationnelles, la cosmologie, mais on va y voir de plus en plus clair. Et en particulier, vous êtes le responsable du projet Euclide. Je suis responsable scientifique de cette mission, qui a été sélectionnée en octobre 2011 par l'ESA, dans le cadre du grand programme Cosmic Vision de l'ESA. Donc, c'est une mission de taille moyenne. Alors, ce qu'on appelle une mission, hein, c'est... un satellite, en fait. C'est un satellite... Qu'on va envoyer dans l'espace. Qu'on va envoyer dans l'espace et qui va surveiller, cartographier le ciel pendant un certain nombre d'années pour tenter de répondre à cette question. Quelle est la nature de cette énergie sombre? Voilà, c'est ça. Et puis à votre côté, Olivier Lamarle. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis ingénieur au CNES. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Et c'est donc l'Agence Spatiale Française, je le précise, parce que... Quand on regarde nos enquêtes de notoriété, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Voilà, donc c'est l'équivalent de la NASA, toute proportion gardée. C'est la NASA en France. Voilà, c'est la NASA en France, ou l'ESA, dont Yannick parlait, qui est l'Agence Spatiale Européenne. Et donc le CNES, en partenariat avec le laboratoire du CNRS, dont l'IAP, collabore à la mission, au projet Euclide de l'Agence Spatiale Européenne. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est une mosaïque très complexe. Ce projet, comme la plupart des projets de l'ESA, mais celui-là est particulièrement riche. Il est coton, lui. Oh là, il est coton. Au niveau de l'organisation, etc., c'est quand même incroyable. Il faut coordonner combien de scientifiques? Alors, dans le consortium, il y a à peu près 1000 personnes, dont je pense plus de la moitié sont des scientifiques. Donc, oui, d'accord. Donc, vous avez, il y a aussi des ingénieurs. Voilà, chercheurs, ingénieurs. L'ensemble, c'est 1000 personnes qui donnent leur avis, qu'il va falloir coordonner, avec qui il faut discuter au jour le jour. Sur ces sujets de l'énergie noire. Alors, on va commencer avec vous. Hein. Je vais me permettre de vous poser quelques questions pour qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce sujet-là. Et puis ensuite, je viens vers vous et je vous passe le micro. Alors, Yannick Mélier, quand on a discuté de ce sujet, vous m'avez dit, avec Euclide, on va déterminer la nature de l'énergie noire. On cherche une réponse décisive. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup de sonde, on teste, on essaye, non. Ce que vous avez conçu, c'est essayer de répondre de manière définitive, essayez bien sûr, mais de manière définitive, à cette question, qu'est-ce que c'est que l'énergie noire? C'est vrai, vous avez cette ambition-là? Oui, alors, comme scientifique, dire qu'on répond définitivement à quelque chose, ça n'a pas vraiment de sens, hein, en absolu. Donc, il faut d'abord se donner un cadre théorique, explorer les options possibles. Et une fois qu'on a déterminé quelles pourraient être les options concernant cette énergie sombre, et bien tenter de construire quelque chose qui permette de résoudre au mieux ce problème et résoudre mieux dans ce cadre précis de la mission Euclide, ça a été de construire une mission qui va nous permettre de discriminer parmi les grandes hypothèses possibles. Alors parmi ces grandes hypothèses, on en a trois. La première, c'est qu'il existerait en fait une nouvelle substance. Vous savez ce qu'on va faire. Énergie sombre. On va pas commencer tout de suite parce que c'est le morceau, c'est le gros morceau de la soirée. Alors c'est plus intéressant. Oui, absolument. Mais justement, on va réserver le suspense. On va y aller petit à petit. On a bien compris. Vous cherchez effectivement à avoir une réponse décisive sur cette question. Ça, c'est un point. Peut-être qu'on peut essayer pour commencer à aborder ce sujet. Passer par l'histoire en réalité et se reporter en 1998. Qu'est-ce qui se passe en 1998 et en quoi? D'abord, quand vous avez eu cette annonce, quelle a été votre réaction selon laquelle effectivement l'expansion de l'univers irait en s'accélérant? C'était une énorme surprise, je suppose. Oui, donc c'était une grosse surprise et une surprise pour un scientifique. Sa première approche, c'est d'être sceptique. Et se dire, c'est quand même tellement important qu'il faut être sûr de soi, le plus sûr possible. Et donc, avant de croire à cette découverte, qui est vraiment une découverte, il a fallu quand même un peu de temps. Ceci dit... Combien de temps ? Alors, il a fallu à peu près un an pour que, moi, personnellement, j'arrive à me convaincre de la crédibilité des résultats. Vous avez été lent ou rapide par rapport à la communauté? Non, je pense que c'était même plutôt rapide. Ah, c'est vrai? Je dirais, oui. Je crois qu'il y avait, quand même quelque chose qui est très important en physique, hein, c'est qu'il y avait deux équipes qui travaillaient sur le même sujet et qui ont... Donc une américaine et une néo-zélandaise, c'est ça? Donc il y avait une équipe qui était purement américaine et une équipe qui comprenait des Australiens. Des Australiens. Et donc ces deux équipes ont observé et analysé de façon totalement indépendante des données. Mais au même moment. Et au même moment, ouais. Oui. Et parce que c'était des données indépendantes, parce que c'était des équipes indépendantes, évidemment c'est extrêmement puissant pour la physique lorsque deux équipes indépendantes trouvent le même résultat. C'était avec des données nouvelles, hein. Jamais on n'avait obtenu les données qu'ils avaient recherchées à obtenir. Oui, c'est vraiment l'observation astronomique de données nouvelles qui a apporté toutes ces informations cruciales. Donc l'expansion de l'univers irait en s'accélérant. Comment est-ce qu'on en est venu à cette idée concrètement? Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces équipes? Alors, pour pouvoir arriver à cette conclusion, les deux équipes ont observé des étoiles très particulières, des phénomènes très particuliers qui sont des étoiles qu'on appelle des supernovae. Ces supernovae ont des propriétés très spéciales, c'est que... leur accroissement de lumière est considérable pendant un temps relativement court. Sont des espèces d'explosions de luminosité. Donc ce sont des étoiles qui explosent en fin de vie. Alors ce sont les étoiles qui nous intéressent en fait, c'est plutôt des explosions qui résultent d'interactions de systèmes binaires. Et c'est l'interaction des plasmas entre les deux étoiles du système binaire et les réactions nucléaires qui vont se produire à cause de ces interactions qui engendrent les supernovae caractéristiques de type 1A. Donc ce sont des supernovae très particulières, donc de type 1A, où l'une des étoiles est en train d'absorber la Exactement. Matière de l'autre. Elle absorbe la matière de l'autre, et en absorbant cette matière de l'autre, elle modifie ses propriétés physiques. Les siennes, elle modifie ses propriétés physiques à elle. Ses propriétés physiques à elle, qui engendrent des réactions nucléaires explosives, transitoires, qui sont les phénomènes vraiment très, très beaux qu'on voit dans le ciel parfois, qui sont les supernovae. Alors, ces réactions ne peuvent se produire qu'à la condition expresse que l'étoile en question, celle qui va éclater de cette manière-là, qu'à la condition que cette étoile atteigne une certaine masse. Absolument, oui. Donc, on connaît la masse de l'étoile. On connaît sa masse, c'est parce qu'on connaît sa masse au moment de la réaction explosive, on est capable de connaître explicitement sa luminosité au moment de l'explosion. Voilà, on connaît, c'est-à-dire que toutes les supernovae de type 1A ont la même luminosité au moment de leur explosion. Elles ont la même luminosité au pic de luminosité. D'accord, au pic, oui. Et ensuite, elles ont une courbe de lumière, c'est-à-dire l'évolution progressive, la décroissance progressive de la luminosité, des courbes de lumière qui sont identiques pour toutes les supernovae. Donc on sait que c'est des supernovae 1A parce qu'on voit leur courbe de lumière, elle est caractéristique. Et puis donc, on connaît leur luminosité intrinsèque. Et donc, ça veut dire ça, qu'on est capable de revenir, de connaître leur distance, voilà, avec précision. Alors, parce qu'on connaît leur luminosité intrinsèque, en regardant leur luminosité apparente, eh bien, on peut calculer, si on a la mesure du décalage spectral, en particulier des galaxies qui accueillent ces supernovées, eh bien, on peut déterminer la distance de ces objets. Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est parce qu'on connaît la masse qu'on connaît la luminosité. C'est parce qu'on connaît la luminosité intrinsèque qu'on est capable de déterminer la distance aussi, parce que plus ma bougie, si je puis dire, plus mon étoile est pâle, plus elle est loin, évidemment. Exactement, comme la lumière d'un bateau qui s'éloigne sur la côte, la lumière ponctuelle, la lumière apparente, décroît comme l'inverse du carré de la distance. Alors, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je connais sa lumière, je connais sa distance. Voilà, et là, donc connaissant sa lumière et connaissant sa distance, si maintenant je suppose que l'univers est en expansion, sans accélération, je peux prédire la luminosité apparente du moment que je connais la distance. Et je peux comparer donc cette distance à celle qu'elle aurait si l'univers était accéléré, son expansion était accélérée, parce que au lieu d'être à la distance où je crois, elle est légèrement plus loin. Et c'est de ça qu'on s'est aperçu. Exactement. On s'est aperçu que ces supernovae étaient plus loin que ce qu'on imaginait, étant donné ce qu'on savait de l'expansion de l'univers. Et c'est infime. C'est infime. C'est très très légèrement plus loin, mais on avait suffisamment de données pour pouvoir voir cette différence par rapport à la prédiction d'un univers sans accélération. Donc si elles sont plus loin, ça veut dire que l'expansion est plus forte d'une certaine manière, plus rapide que ce qu'on imaginait. Exactement. Et ça peut l'expliquer, et ça on s'aperçoit qu'il y a quelque chose là. La seule explication, c'est que l'univers, l'expansion de l'univers s'accélère. Ok, d'accord, donc ça c'est bon. Je crois qu'on a à peu près compris. Et alors vous, Olivier Lamarle, en ingénieur au CNES, 1988, c'était il y a 15 ans. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré, cette 98, pardon. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré? Eh bien, pour tout vous dire, pas grand-chose, parce qu'à l'époque, j'étais pas dans le domaine du tout des sciences. J'étais même pas au CNES. C'est vrai. J'étais même à l'étranger, dans le domaine des satellites de télécommunication, et j'avais complètement... Vous êtes passé complètement au travers. Ouais. Donc, il m'a fallu un certain temps pour arriver au CNES, puis dans le domaine des sciences. Et alors, je me souvenais quand même que quand j'étais ingénieur, comme ça me plaisait quand même l'astrophysique, j'avais fait un DEA, à l'époque on appelait ça un DEA d'astrophysique, en même temps que ma dernière année d'école d'ingénieur. Et je me souvenais bien qu'on parlait de la constante de Hubble, l'expansion de l'univers, est-ce que c'est comme ça, est-ce que ça va se ralentir, est-ce que ça va continuer indéfiniment. Et il y avait un deuxième paramètre qu'on essayait de déterminer, et puis vraiment qui devait nous dire si ça allait continuer indéfiniment en ralentissant, ou au contraire se contracter, comme on a dit. Et là, quand j'ai découvert, donc des années plus tard, l'expansion, je me suis souvenu de ça, je me disais, à l'époque, on avait tout faux. On cherchait carrément dans un domaine de ce paramètre où il n'est pas du tout, il est complètement de l'autre côté. Voilà ce que ça m'a inspiré, et puis depuis, je me suis formé sur le sujet, parce que quand on est ingénieur, on est quand même assez loin de ce genre de réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est que... Donc, on est d'accord qu'il y a une expansion, et puis là, il faut trouver une cause, là, Yannick Mélier. Alors, quelle cause est-ce qu'on peut proposer à cette accélération? Alors, ça, c'est la partie intéressante. Voilà, donc, à partir du moment où on a une accélération, il faut quelque chose qui l'engendre, cette accélération, et il faut trouver une cause à ça. Et évidemment, les chercheurs se sont donc investis considérablement sur les possibles qui seraient à la source de cette accélération. Alors en fait, on a trois options. La première, en fait, c'est qu'il existerait effectivement une substance nouvelle qu'on appelle très génériquement, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, l'énergie sombre. Ou énergie noire. Hein. Ou énergie noire. C'est la même chose. Donc, il serait véritablement quelque chose de complètement nouveau, un nouveau concept à intégrer dans le domaine de l'énergie trouvée dans l'espace-temps. La deuxième option, ce serait... Attendez, excusez-moi, moi je ne suis pas un spécialiste. Quel lien y a-t-il entre une énergie, d'ailleurs je ne sais même à peine ce que c'est que l'énergie, et une expansion qui s'accélère? Eh bien, l'accélération et l'histoire de l'expansion de l'univers dépend complètement de son contenu en matière énergie. Donc, dès que l'on a une description d'une expansion qui est différente de nos préoccupations standards, eh bien, il faut faire l'hypothèse de quelque chose de nouveau qui doit être de la matière énergie. Qu'est-ce que c'est la matière énergie ? Alors, je dis matière énergie pour pouvoir contenir simultanément la matière ou quelque chose qui serait de l'énergie, mais non, qui ne serait pas de la matière. La matière et l'énergie. Quand vous dites matière et énergie, c'est la matière et l'énergie. Sachant que la matière, c'est une forme d'énergie. Exactement. C'est une forme que prend l'énergie. Et lorsque nous, on parle de matière ici, on entend des corps qui subissent les lois de la gravitation. C'est ça. Voilà. Donc on pourrait avoir donc une substance nouvelle, cette fameuse énergie sombre. Et l'alternative à ça, c'est que notre modèle descriptif Donc cette énergie, elle a pour effet de produire ce qu'on appelle une pression négative. Voilà. Donc cette énergie là. Elle pousse. Elle pousserait, elle serait répulsive, relativement à la gravitation. Elle a donc une pression négative, effectivement, et elle agit effectivement comme le facteur d'expansion et d'accélération par cette caractéristique de répulsion qu'elle a dans l'univers lui-même. Ok. Donc ça, c'est une grandeur physique, hein, un objet physique, ouais, cette énergie noire. Alors, il y a d'autres possibilités. L'autre possibilité, ce serait en fait que notre description de la nature, qui est basée sur une théorie de la gravitation, qui est celle proposée par Albert Einstein, qui est la relativité générale, il est tout à fait possible en fait que cette relativité générale ne soit plus complètement valide, en particulier aux très très grandes échelles cosmiques, simplement parce que pour le moment, on n'a aucun test observationnel qui a permis de valider la relativité générale sur des échelles de l'ordre du milliard d'années-lumière. Donc, il est tout à fait... Un milliard d'années-lumière, c'est 9800 milliards de kilomètres. Enfin, c'est à peu près 10 000 milliards de kilomètres par année-lumière. Et 10 000, voilà, c'est ça. Donc, une année-lumière, c'est la distance, c'est une unité de distance, hein. C'est la distance que parcourt la lumière au cours d'une année. En cours d'une année. Donc c'est évidemment des distances gigantesques. 460 milliers de kilomètres, 10 000 milliards de kilomètres. Ouais, d'accord. Donc Newton était valide sur Terre. Hein, quand il y avait une pomme qui tombait, il fallait se référer à la description que Newton en faisait. Einstein a généralisé ça absolument de façon donc plus large, hein, avec sa théorie de la relativité générale. Et c'est notre théorie courante actuellement. Ça. Mais peut-être qu'en fait, il faudrait encore généraliser Einstein. Aux plus grandes distances, on aurait d'autres facteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il existerait des correctifs à apporter à la théorie de la relativité générale pour expliquer le comportement de la gravité aux très très grandes échelles. Ça ne voudrait pas dire que la relativité générale est fausse. Ça voudrait dire qu'il faut la compléter. Il faut la compléter, c'est-à-dire elle est valide sur les échelles humaines, je dirais, et sur les très grandes échelles cosmologiques. Eh bien, il faut la modifier légèrement pour pouvoir expliquer son comportement aux très grandes échelles. Alors, est-ce qu'on saurait comment effectivement modifier la théorie de la relativité générale pour rendre compte de l'accélération de l'expansion de l'univers? Oui, alors on construit des modèles théoriques qui peuvent être empiriques en injectant des termes correctifs ou bien qui peuvent être basés sur des principes plus fondamentaux de physique théorique pour pouvoir intégrer la théorie de la relativité générale dans un modèle d'espace-temps plus général. Donc on a deux approches, hein, qui est une plus vraiment phénoménologique et l'autre qui est beaucoup plus fondamentale, trouver la théorie sous-jacente qui expliquerait à la fois la théorie de la gravitation aux petites échelles et puis l'accélération de l'expansion. D'accord, donc on a une solution donc matérielle, je dirais, il faut une énergie nie. L'autre solution, ce serait, on modifierait notre manière de décrire l'univers avec nos équations. Et la physique fondamentale. Voilà, pour rendre compte de cette accélération. Et il y a une troisième option alors. Alors la troisième option, ce serait en fait que les principes fondamentaux de la cosmologie eux-mêmes, qu'on utilise pour décrire les phénomènes, ne sont pas tout à fait exacts. Pour pouvoir mesurer des distances dans l'univers, il faut se donner une espèce de chaîne d'arpenteur pour mesurer les choses. Donc ça veut dire une, comment est-ce qu'on dit, un maître étalon. Un maître étalon. Un maître étalon. Et toute description de l'univers que l'on fait actuellement sont basées sur un principe fondamental qui permet de définir ces distances. Et ce principe fondamental, c'est le principe cosmologique qui postule que l'univers est homogène et isotrope. Donc il est le même en tout point de l'espace et il est le même en toute direction de l'espace. Et si on remet en cause ce principe cosmologique, eh bien, les mesures de distance telles qu'on les construit aujourd'hui ne sont plus tout à fait exactes. Et c'est pour ça qu'on se tromperait sur les mesures de distance des supernovae, parce que ces éléments de mesure, la description de la géométrie de l'univers et la façon dont on mesure les choses ne seraient pas tout à fait correctes. Dans ce cas-là, l'univers ne serait pas homogène et isotrope rigoureusement. Donc ça, c'est la troisième grande hypothèse. Vous voyez qu'elle est un peu au-dessus, c'est un peu différent. Il y en a une qui remet en cause un principe de la cosmologie, et les deux autres relèvent véritablement de la physique fondamentale, qui serait une remise en cause de la relativité générale, ou bien l'adjonction d'un concept nouveau qui est l'énergie sombre. Alors, on a donc Euclide qui doit décoller en 2020. C'est le moment peut-être d'en parler, d'Euclide. Euclide doit décoller en 2020. Peut-être qu'on peut distribuer ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Tiens, on va en prendre deux là. Merci beaucoup. Alors voilà votre beau bébé Yannick Mélier. Il est beau, hein? Évidemment, là pour l'instant, c'est encore qu'une photo en trois dimensions, mais bientôt il va être réel. On en est où, Olivier Lamarre, de la construction de Euclide? Alors, on en est ce qu'on appelle en phase de définition. Alors, les grands projets, en particulier les grands projets spatiaux, sont découpés en différentes phases de façon à valider à chaque étape qu'on a suffisamment bien travaillé pour passer à l'étape d'après, sachant qu'évidemment, plus on va à un moment donné... Si on se trompe à un moment donné, qu'on dit « Ah non, on s'est trompé dans la conception et la construction de tel ou tel élément », il faut revenir en arrière. Donc c'est très coûteux en temps et en argent. Donc là, on en est à un stade où il y a eu... cette histoire a quand même commencé, on va dire, en 2007. Donc depuis 2007, à l'ESA et dans les différents pays qui participent, il y a eu dans les laboratoires, en particulier l'IAP, beaucoup d'études, c'est-à-dire d'études papier dans un premier temps, où on fait des simulations... pour valider la faisabilité du projet, vérifier qu'on va être capable de fournir les mesures qui vont amener à la caractérisation de l'énergie noire, on y reviendra. Et ensuite, on est passé, donc la mission, le projet a été sélectionné, il y avait plusieurs projets en compétition, hein. Au départ, il y avait une cinquantaine de projets, il y en a deux qui ont été sélectionnés sur ces 50. Et on est maintenant dans une phase de définition, donc vraiment, là, on écrit ce qu'on appelle les spécifications des différents éléments. Et ce qui va être donné à l'industrie, parce qu'après, il y a un moment donné, c'est l'industrie qui va construire. Donc on fait les plans, quoi. On est en train de faire les plans. Donc ça, et même dans certains cas, on fait des prototypes en laboratoire. Il y a du matériel sur les paillasses pour faire des mesures, des tests, pour vérifier que tel ou tel élément va bien fonctionner. Parce qu'on y reviendra, mais c'est extrêmement, extrêmement pointu. C'est très, très compliqué. Donc on est dans cette phase de définition, on fait les plans. Donc ça, il y a des activités dans les laboratoires et les agences comme le CNES. Et en même temps, l'ESA est en train de choisir les industriels qui vont réaliser le satellite. Donc c'est déjà fait pour la partie télescope. On y viendra, il y a un grand télescope sur le satellite. Et puis il y a une partie qu'on appelle module de service, donc c'est toute la partie dans le satellite qui est panneaux solaires, tout ce qui fournit l'énergie, les moteurs, la stabilisation, etc., la communication vers la Terre. Ça, c'est le module de service. C'est ce qu'on appelle le module de service. C'est pas la partie scientifique, hein, c'est la partie dont on a besoin pour, c'est la partie, pour que ça fonctionne en l'air. Voilà, on a un peu tendance à l'occulter parce qu'on est dans l'instrument, dans la science qui va être faite, mais derrière, c'est quand même assez compliqué aussi. Et là, donc on est dans cette phase de choix des industriels. Et ça s'est fait, ça c'est 2012-2013. Et à partir, on va dire, de 2014, on va passer vraiment à la phase on va entrer dans les phases de réalisation des éléments, morceau par morceau, qui petit à petit, ça va être des poupées russes qui vont être emboîtées, testées, etc., pour arriver jusqu'à un lancement, on espère, en 2020. Alors c'est l'Agence spatiale européenne qui est le maître d'ouvrage, donc qui a l'idée de cet objet. Pardon, c'est pas qui a eu l'idée, au contraire. C'est l'Agence spatiale européenne qui a décidé, qui a obtenu les financements, etc., qui finance l'ensemble. Le CNES participe, on va voir de quelle manière. Mais c'est le CNES qui a eu l'idée, si je me trompe pas, à l'origine. Olivier Lamar, là. Donc le CNES, le CNES, bon là, il faut rappeler quand même, c'est lui qui organise le mardi d'espace où nous sommes ce soir. Alors c'est la communauté scientifique qui a eu l'idée, comme tous les projets scientifiques en Europe, on va dire. On a régulièrement dans toutes les agences, au CNES aussi, des appels à propositions adressées à l'ensemble de la communauté scientifique, pas que astrophysique d'ailleurs. Et on reçoit un certain nombre de propositions. Donc il y en a énormément. On a reçu un jour une proposition émanant de la communauté scientifique qui disait que ce serait bien de caractériser l'énergie noire en regardant la forme des galaxies, etc. Et donc le CNES a dit tiens, ça a l'air intéressant, on va faire ce qu'on appelle une phase zéro. C'est un avant-projet. Donc, c'est des débuts pour voir un peu à quoi ça ressemblerait. On est arrivé à la conclusion que c'était une bonne idée, mais que c'était trop cher pour le CNES et pour la France en général. Et donc, on a dit que ça serait bien plutôt de voir du côté de l'ESA, qui a un plus gros budget. Et à ce moment, l'Agence spatiale européenne. Au prochain appel à idée de l'ESA, les équipes ont répondu, les équipes scientifiques, sur la base du projet qui avait été étudié au CNES, ont soumis une proposition à l'Agence spatiale pour aboutir à sa sélection aujourd'hui. Bon, entre-temps, il y a eu des péripéties. Il y a eu la fusion avec une autre proposition italienne qui fait qu'on va avoir, on en reparlera, deux mesures indépendantes à bord. Donc c'est beaucoup plus puissant. On va mesurer de deux manières différentes l'énergie noire, certains effets de l'énergie noire, pour essayer de déterminer de façon... On va refaire le coup des Australiens et des Américains, finalement, Yannick Mélier. Alors, faites-nous les présentations, là. Alors, je vous présente ce beau bébé, donc, qui s'appelle Euclid. C'est E-U-C-L-I-D, il n'y a pas de E à la fin. Oui, donc c'est le nom Euclid en anglais. Ce n'est pas un acronyme, c'est vraiment le nom en l'honneur d'Euclid, puisque c'est un satellite qui va explorer la géométrie de l'univers. C'est un télescope d'1,20 m qui va avoir... Alors, attendez, vous dites vite, là, mais un télescope d'1,20 m, c'est quand même... Un sacré morceau que vous avez. Alors, c'est un sacré morceau, mais évidemment, quand on compare à des télescopes comme Hubble, bien le futur James Webb télescope, ça reste un petit télescope. Donc, Hubble, c'est combien? 3 mètres. C'est 2,40 m. 2,40 m, oui, vous faites la moitié de Hubble. Oui, donc c'est quand même un gros diamètre. C'est quand même un objet qui va peser quelques tonnes. C'est 2,2 tonnes. 2,2 tonnes. Les dimensions, là, en longueur, ça fait combien? Ça fait 4 mètres à peu près de longueur. Ouais. Donc c'est quand même substantiel. Alors ce télescope a un miroir d'1,20 m, qui est donc sa puissance collectrice initiale. Et ces photons qu'il va collecter avec ce miroir vont être distribués dans deux canaux différents. Une voie visible, donc dans le domaine de longueur d'onde visible, et une voie infrarouge proche, entre 1,2 et 2 microns à peu près. La voie visible va être exclusivement dédiée à de l'imagerie à très haute résolution pour mesurer avec une extrême précision la forme des galaxies. Voilà. Alors on va y revenir. Et la deuxième voie, c'est de l'infrarouge, elle a deux instruments. Un imageur qui fera de la photométrie et de l'imagerie en infrarouge et un spectrographe qui va obtenir des spectres de galaxies à partir desquels on va mesurer les décalages spectraux des galaxies et donc la distance, la position tridimensionnelle des galaxies dans l'univers. Voilà. Alors, on va y revenir sur exactement ce que fait Euclid, mais on a bien compris qu'avec ce télescope, vous êtes capable de regarder l'univers dans le visible, donc comme notre œil, mais aussi de regarder ce qui se passe dans l'infrarouge, comment l'univers rayonne dans l'infrarouge. Qu'est-ce que c'est cette partie bleue là? Alors on voit le trou, si je puis dire, le trou central, c'est le bout du télescope, si je puis dire. Le miroir, il est tout au fond. Voilà, donc en fait, le trou, effectivement, on pointe le satellite vers les objets qu'on veut observer, donc la lumière arrive, entre par ce trou. Au fond du trou, il y a ce grand miroir parabolique de 1,20 m qui renvoie la lumière sur un petit miroir secondaire. Donc, en fait, la lumière dans un télescope, elle fait plusieurs allers-retours entre plusieurs miroirs. Le premier est le gros, mais après, il y a plusieurs petits miroirs. Et donc, tout ça se termine au fond du trou, où là, il y a, où la lumière est divisée en deux parties. Une partie qui part vers l'imageur visible, une partie qui part vers l'infrarouge. Le télescope est capable de réfléchir aussi bien la lumière infrarouge que la lumière visible. C'est après que c'est coupé en deux. Donc ça, tout ça, c'est ce gros tuyau là, c'est le baffle en fait, qu'on appelle le baffle. Alors le baffle, c'est la partie bleue, hein. Non, c'est la. Ah. Il y a d'abord un baffle qui protège l'ensemble du télescope, qui empêche la lumière parasite arrivant des côtés de venir perturber la mesure. Donc c'est la partie bleue. Non. Oui ou non? Non, c'est la partie grise. C'est la partie grise. Ah, bon, c'est la partie grise autour de ce qu'on appelait le trou. Voilà, c'est le baffle contre la lumière, on va dire. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça assure aussi des fonctions thermiques. Il faut que l'ensemble soit à la même température pour que ça ne se distorde pas trop, etc. La partie bleue, c'est les panneaux solaires. Donc, c'est des cellules photovoltaïques comme on a sur Terre, mais sauf qu'elles sont un peu plus résistantes. Et ça sert également de bouclier solaire. De bouclier solaire. Donc les panneaux solaires servent de bouclier solaire. On ne veut pas que le soleil vienne taper sur le télescope, d'abord parce que ça ferait des entrées de lumière parasites dans le télescope, puis ensuite parce que ça chaufferait très fort d'un côté alors que de l'autre côté est très froid. Et on n'aime pas trop ça pour la. C'est-à-dire que votre télescope doit rester très froid, c'est ça? Le télescope, dès qu'on a de la mesure infrarouge, l'infrarouge c'est la chaleur. Donc dès qu'on a de la chaleur, c'est pas bon. Les détecteurs infrarouges, tout de suite, c'est comme ébloui, quoi. Donc on veut assurer effectivement le plus de froid possible. Alors là, on est dans ce qu'on appelle le proche infrarouge, c'est-à-dire que l'infrarouge, quand on se décale en longueur d'onde et qu'on quitte le domaine des longueurs d'onde visibles, au début on a le proche infrarouge et puis plus la longueur d'onde augmente, on va vers les grandes longueurs d'onde. Là, on est dans le proche, c'est encore pas trop méchant. Donc on veut être froid, mais pas glacial comme sur des projets comme Herschel ou Planck, où là, on est proche du zéro absolu. Ce sont d'autres missions, là, Herschel. Voilà, donc là, alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que on doit être à. Tu connais la température? Moins 100 degrés. On est à 100 K. À peu près 100 K. Entre 200 et 100 K. Moins 170 degrés Celsius, quand même, au niveau du télescope. Ça peut paraître très froid. C'est pas trop compliqué encore à obtenir dans l'espace, parce que dans l'espace, si on se protège bien du soleil, il fait très froid. Donc, d'où le pare-soleil. Alors, on va faire un petit peu mieux connaissance avec Euclide dans quelques instants, mais Raphaël a quelque chose à nous dire. On aime prendre son temps, boire son café tranquillement. On aime prendre son bain, savourer le petit matin. Mais il y a un truc qui nous angoisse, qui nous fait boire la tasse. L'expansion de l'univers s'accélère, alors que mon expansion à moi ne bouge pas. L'expansion de l'univers s'accélère, alors que mon expansion à moi ne bouge pas. Alors on se dit qu'il faut peut-être qu'on se presse, qu'il serait peut-être temps qu'on se bouge les savourer. On aime savourer son mamie Nova en laissant exploser les supernovas. L'expansion de l'univers s'accélère alors que mon expansion à moi ne bouge pas. L'expansion de l'univers s'accélère alors que mon expansion à moi ne bouge pas. Alors on se demande pourquoi, oui, pourquoi. Moi j'entends dire autour de moi que ce serait sans l'ombre d'un doute une histoire d'énergie sombre. Peut-être, c'est peut-être ça, je ne sais pas. De l'énergie sombre, moi, je ne crois que ce que je vois. En tout cas, l'expansion de l'univers, avec moi, s'accélère, alors que mon expansion à moi ne bouge pas. L'expansion de l'univers s'accélère, alors que mon expansion à moi ne bouge pas. Et c'est bien comme ça. Merci. Alors, revenons à notre Euclide, qui donc regarde dans l'infrarouge, l'infrarouge, oui, et le visible. Alors, deux voies, pour quoi faire? Alors, c'est deux voies, comme on disait tout à l'heure, pour obtenir, par deux méthodes différentes, des informations sur la nature de cette énergie sombre. Alors les deux méthodes qui vont être utilisées sont basées sur deux conséquences de l'existence d'une énergie sombre dans un univers en expansion. La première, c'est que quand vous mettez de l'énergie sombre dans cet univers, eh bien la relation entre un angle, une dimension apparente d'un objet par rapport à sa dimension physique, cet angle-là change suivant le contenu en matière et en énergie de l'univers. Donc ce qu'on va regarder, ce sont des choses, des objets, qui ont des dimensions physiques connues et qui, dans l'espace, vont avoir une dimension apparente qu'on va mesurer. Donc là aussi, on connaît la taille réelle de l'objet, la géométrie réelle de l'objet, on la connaît, et puis on regarde comment, dans le visible, l'objet nous apparaît. C'est exactement pareil que les supernovae où tout à l'heure on comparait une luminosité absolue à une luminosité apparente. Là, on va regarder une dimension angulaire par rapport à une dimension physique connue. Alors il se trouve que là, dans l'univers, il existe des propriétés de structuration des galaxies, la façon dont elles s'organisent. Dans les galaxies, il faut rappeler ce que c'est, ce sont des amas de milliards d'étoiles. Hein. Ce sont des espèces d'îlots composés de milliards d'étoiles qui peuplent l'univers. Et l'univers est composé de plus de 10 milliards de galaxies, pour autant qu'on le sache pour le moment. Et donc chacune de ces galaxies subit l'interaction gravitationnelle avec les autres galaxies autour d'elles, et qui tendent à les agglomérer les unes des autres. Une attirance, hein. Une attirance, mais en même temps qu'a lieu cette attirance, l'univers étant en expansion, il a tendance à séparer ses objets. Ah oui, c'est ça. On a d'une part la gravitation qui attire les objets entre eux, et d'autre part, cette énergie noire qui a tendance à les écarter les uns des autres. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il existe une compétition entre deux phénomènes, et suivant l'importance de l'un et de l'autre, c'est-à-dire la gravitation contre l'énergie sombre, eh bien, les galaxies ne vont pas s'organiser de la même façon au cours du temps. Donc on va regarder cette organisation. Et dans cette organisation, on va regarder des échelles caractéristiques très typiques dont on connaît exactement les propriétés. Et on va comparer ces échelles angulaires par rapport aux échelles physiques qu'elles auraient et que ça, on sait calculer. Eh bien, c'est en regardant cette différence, donc l'apparence des choses, leur séparation angulaire, c'est grâce à cela qu'on va pouvoir sonder l'existence et les propriétés de cette énergie sombre. Oui, parce que cette énergie noire, elle a laissé des traces dans la manière dont on voit les choses. Exactement. Elle laisse des traces, en particulier dans l'organisation des galaxies. Donc, ce que l'on va faire, c'est mesurer les positions des galaxies en trois dimensions, grâce au décalage spectral. Et à partir de la distribution des galaxies dans l'univers, on va pouvoir caractériser leurs propriétés d'organisation, et c'est de là qu'on va retrouver l'information sur l'énergie sombre. Ça, c'est le premier phénomène. Alors ça, c'est fait grâce à la voie infrarouge qui dispose d'un spectrographe. Et la voie visible, elle utilise un phénomène assez différent, et qui est lié au fait que lorsqu'on injecte de l'énergie sombre dans un univers, eh bien, l'histoire de la formation des structures va changer. Donc, on pense que les structures qui ont formé les galaxies résultent de petites perturbations qui, progressivement, sous l'effet de la gravité, ont tendance à agglomérer toutes les particules autour d'elles et faire ainsi, progressivement, les galaxies, les amas de galaxies, les étoiles, etc. Et là encore, pendant cette phase d'agglomération de la matière à cause de ces petites perturbations, il y a encore cette compétition avec l'énergie sombre. Et donc, il va y avoir une bataille de nouveau entre la gravité et l'énergie sombre. Et le vainqueur de tout ça, in fine, eh bien, on va pouvoir le caractériser en regardant comment la matière noire est distribuée dans l'univers. Et donc, dans cette approche-là, ce qu'on veut faire, c'est voir la matière noire et comment elle se distribue à toutes les échelles. Il faut rappeler ce que c'est que la matière noire, quand même, d'un mot. La matière noire, donc c'est une matière dont on voit les effets gravitationnels, hein. On voit qu'elle attire la matière, elle explique certains phénomènes, notamment pourquoi les galaxies ne s'éparpillent pas et restent contenues, et restent des blocs d'étoiles assez contenus, si je puis dire. Donc on sait qu'elle existe, mais là non plus, on ne sait pas à quoi elle ressemble, cette matière noire. On ne connaît pas encore sa nature. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle noire, c'est qu'on ne l'a pas vue et... On n'en a vu que les effets. Ouais. Alors, donc on voit ces effets, et ces effets sont manifestes parce que les effets gravitationnels, on les voit par des phénomènes qui sont, somme toute, identiques à ceux qui ont provoqué la découverte d'Uranus, hein, qui sont des perturbations, des prédictions des orbites des planètes. Et on a vu un objet matière noire qui était Uranus, mais tant qu'on ne l'avait pas détecté, c'était un objet hypothétique, exactement comme la matière noire. Alors il se trouve que cette matière noire, on peut la voir grâce au phénomène de l'antigravitation. Alors on peut voir ses effets plutôt, hein. Alors on voit ses effets, on voit sa présence. Oui, on sait qu'elle est présente, on voit où elle est présente. Alors l'antigravitationnel, c'est une conséquence de la théorie de la relativité générale d'Einstein qui nous dit que tout corps massif localisé quelque part dans l'espace va modifier localement l'espace-temps, la géométrie de l'espace-temps, et induire une déflexion des rayons lumineux qui passeront à sa proximité. C'est-à-dire que la matière, elle a une attirance, elle exerce une attraction gravitationnelle, y compris sur les rayons lumineux. Exactement. Donc on comprend bien que elle déforme ce qu'on voit. Exactement, parce qu'elle déforme l'espace-temps, et donc le photon, la lumière, qui suit les trajectoires dans cet espace-temps, est altérée, leurs trajectoires sont altérées. Alors, il se trouve que ce phénomène de déflexion des rayons lumineux est très connu, puisque ça a été une des grandes preuves pour la relativité générale de prédire cette chose, qui a été observée en 1919. Mais en plus de défléchir les rayons lumineux, c'est-à-dire une déflexion, un déplacement de sa position apparente, elle déforme les objets. Donc un objet qui serait circulaire, imaginez un disque projeté sur le ciel, qui serait l'image d'une galaxie ronde, lorsque cette galaxie va passer à proximité d'un corps massif, eh bien cet objet circulaire va se transformer. Alors il existe des phénomènes catastrophiques de l'antigravitationnel qui induisent de fantastiques arcs géants, des arcs gravitationnels que vous avez peut-être déjà vus. Il y a des images très spectaculaires du télescope Hubble qui en ont montré des cas vraiment exceptionnels, qui sont très, très beaux d'ailleurs. Et puis... il existe des cas moins spectaculaires où là, la déformation est infime. On peut voir alors, aussi. Ça, c'est peut-être intéressant. Vous pouvez le voir parce qu'il faut le distribuer sur cette d'abord. Figure vous allez, qui donne une très belle illustration d'un phénomène de l'antigravitationnel. Alors, on va laisser la distribution se faire et en profiter pour faire une petite virgule avec Raphaël. Je peux vous faire une petite proposition à messieurs. Monsieur Mélier, monsieur Lamar. J'ai une proposition à vous faire. Je viens d'écrire une publicité pour Euclid. Donc voilà, si ça c'est sympa. Allez-y. On va avoir encore plus de financement. C'est un petit télescope d'1,20 m. Il est futé, il est malin. Par son petit trou, on voit tout. Tout avec Euclide, tout devient limpide. Il est équipé d'un bouclier solaire, il peut vraiment tout faire. Lors de vos prochaines vacances dans l'espace, il vous fera des photos souvenirs super classe. Avec Euclide, tout devient limpide. Une dernière fois, avec Euclide, tout devient limpide. Bravo! Merci. Voilà un très bon slogan pour Euclid. Ça fait cher de l'appareil photospatial quand même, Yannick Mélier. Hein. Ah, c'est un instrument assez cher. Oui, combien? Oui. Donc le coût total de la mission jusqu'à son terme, c'est-à-dire l'horizon 2027-2030, quoi, approximativement. Avec le lancement, avec tout compris. Récupération des données, traitement des données, etc. C'est de l'ordre de 900 millions d'euros. 900 millions d'euros, d'accord. Ah, un petit peu plus, dit Olivier Lamar, là. C'est, ça, c'est le point de vue du scientifique. L'ingénieur qui est plus réaliste, on va dire que c'est un peu plus cher que ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, l'image que vous avez là se compose de deux cadrans. Les deux représentent, sont des simulations qui représentent ce que verrait le télescope Hubble avec ou sans lentille gravitationnelle entre les galaxies que l'on voit sur cette image et nous. Donc la première image, celle qui est ici, donc sur ma gauche. Oui, mais le seul problème, c'est que personne ne voit rien de quand on est tout là-bas. Donc la seule manière de différencier les deux images, c'est qu'il y en a une. Il y en a une qui a une déformation comme une loupe, et l'autre qui n'en a pas. Voilà. Donc celle qui n'a pas de déformation, c'est ce qu'on voit dans le ciel quand il n'y a pas de lentille gravitationnelle entre nous et les galaxies. La seconde, où on voit une déformation comme une loupe, on a injecté par simulation une lentille gravitationnelle qui est un objet massif étendu de l'ordre de quelques 10 milliards de masses solaires. Donc, alors, si on imagine, ça signifie que si on met 10 milliards de masses solaires entre nous et l'univers, voilà. Et ces masses solaires, évidemment, elles sont sous forme de matière noire. Hein, c'est de la matière noire. C'est la matière noire qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas sur l'image. Mais en revanche, on voit ces effets gravitationnels, voilà. Qu'on voit donc sur la lumière qui nous parvient. Et on voit cette espèce de rond, de déformation. Exactement. Finalement. Donc vous voyez que toutes les galaxies qui sont autour, les objets noirs donc, sont plus ou moins déformés, parfois de façon spectaculaire. Et par contre, il y a quelque chose qui est évident pour vous, c'est que si je vous demande où est centré la lentille gravitationnelle, vous le voyez à l'œil. Ah oui. Vous savez me dire, elle est là. Et en plus, vous pourriez me dire à l'œil, bon, cette lentille, elle est circulaire. On le voit aussi à l'œil. Oui. Et vous voyez que ce que vous voyez là, en fait, c'est la déformation gravitationnelle induite par une lentille. Et ça marche exactement pareil que de mettre de la limaille de fer sur une feuille de papier avec un aimant par-dessous. Vous allez voir le champ magnétique de l'aimant par la présence de l'imaille de fer qui s'allonge, qui s'aligne le long des lignes de champ. Et là, c'est exactement pareil. Les objets sont étirés, parfois, vous voyez, de façon très spectaculaire, ils forment des objets qu'on appelle des arcs. Ils sont étirés par la déformation locale de l'espace-temps induite par la lentille gravitationnelle. Est-ce qu'il y a une profondeur ou est-ce que c'est vraiment une image à plat ? Est-ce que ça fait comme un cône ? Là, ce que vous voyez là, c'est une image à plat. Voilà. Mais dans la réalité, ça se produirait, c'est une sphère. Donc l'image ici est faite en fait en trois dimensions. Elle est projetée sur le ciel, c'est pour ça qu'elle apparaît comme une image à plat. Mais j'ai injecté une sphère dans un univers simulé à trois dimensions. Donc chaque objet ici est à une distance différente. Ils ne sont pas tous à la même distance. Voilà. Donc c'est une projection d'une simulation à trois dimensions. Voilà. Alors, les phénomènes que vous voyez là, qui sont très spectaculaires, on les utilise depuis déjà beaucoup d'années pour déterminer, mesurer la distribution de la matière noire dans les amas de galaxies ou autour des galaxies. Là, ce qui intéresse Euclide, ce sont des phénomènes infimes qui concernent l'ensemble des déformations induites par toutes les structures de l'univers au cours du temps. Et ces phénomènes, en général, vous voyez que plus vous vous éloignez du centre de la lentille, plus les déformations sont faibles. Et à la limite, vous avez de plus en plus de mal à les voir à l'œil. Mais le fait que vous ne les voyez pas à l'œil ne veut pas dire que le phénomène n'est pas présent. C'est simplement parce que notre détecteur qui est l'œil n'arrive plus à voir le phénomène. Eh bien, ce que va faire Euclide, c'est exactement ça. Il va cartographier une immense région du ciel et regardez comment se distribuent toutes les lentilles gravitationnelles dans l'univers. Ça, c'est important à dire. Hein. Euclide va cartographier les lentilles gravitationnelles dans une grande partie de l'univers. Exactement. Donc, c'est véritablement une reconstruction de la distribution de la matière noire en fonction de la distance. Et donc, c'est une reconstruction tridimensionnelle de la matière noire que l'on va faire. Donc, on va faire un peu la même chose qu'avec les supernovae. Alors, attendez, monsieur, parce que j'arrive à vous, puis on ne vous entend pas, mais j'arrive tout de suite. On va arriver aux questions. Je vois que vous êtes pressé, c'est bien, ça me plaît. Alors, ce qu'on observe là, c'est l'histoire, c'est la distribution de la matière noire, parce que la façon dont la matière noire se distribue dans l'univers dépend du contenu en énergie noire de cet univers. Donc, on regarde la matière noire pour voir les effets de l'énergie noire. C'est pour ça que l'on utilise l'un et l'autre et qu'il peut y avoir un peu de confusion dans l'explication. Donc ces effets de déformation gravitationnelle qui sont induits par toutes les structures de l'univers ne sont pas des phénomènes spectaculaires. C'est en général infime. Et pour vous montrer à quel point c'est infime ce que va faire Euclide, eh bien, il transforme en gros un objet circulaire en un objet très légèrement elliptique. Eh bien, les effets qu'on va mesurer correspondraient à poser une pièce de 1 centime d'euro sur un ballon de football et de regarder la déformation sur le ballon de football induite par cette pièce d'un centime d'euro. Ça, c'est important aussi, ça donne une mesure de la sensibilité d'Euclide. Vous êtes capable de mesurer la déformation induite par la présence d'une pièce d'un centime d'euro sur un ballon de football. Exactement. Euclide, donc le télescope fait 1m20, tout à l'heure je disais que ce n'était pas spectaculaire par rapport à tous les autres, mais la force d'Euclide, c'est une expérience de très très haute précision. Alors, on va venir à vos questions, puis on a encore des choses à se dire avec Olivier Lamarle, évidemment, sur toute l'organisation de cette recherche, le segment au sol, etc. Est-ce qu'il y a des questions voilà, c'est le moment d'interagir et de discuter avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas. Moi, je viens à vous avec un micro. Alors, monsieur. Bien, bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'aimerais savoir... Si on est venu à émettre l'hypothèse d'une énergie noire, s'il y a eu d'autres observations que celles des supernovées 1A. Oui, donc en fait, suite à ces premières observations, il y a eu beaucoup d'autres observations. D'abord, il y a eu d'autres observations d'un grand type de grands échantillons de supernovae, complètement différents de ceux-là, qui ont très largement confirmé les premières observations. Et ensuite, il y a eu d'autres expériences qui n'utilisent pas les supernovae, mais qui utilisent les apparences, les angles dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont commencé à mesurer l'apparence des objets en fonction de la distance et qui ont très largement confirmé que l'univers était en expansion accélérée. Donc on a maintenant un faisceau de présomption basé sur des expériences faites par des équipes indépendantes, et là, en plus, des méthodes différentes d'observation de cette expansion accélérée. Donc on a, depuis 1998, donc ces premières observations, il existe une bonne vingtaine d'autres grands échantillons qui ont été analysés par des méthodes différentes, qui conduisent tous aux mêmes conclusions. Aucun, pour le moment, n'infirme l'accélération de l'expansion, bien au contraire, il le confirme toutes. Mademoiselle Twittos. Bonsoir, oui, c'est une question qui vient de Twitter. Et on me demande donc si l'univers s'expand, s'étend et cela accélère, qu'est-ce qui va se passer au bout? Est-ce que tout va être dilué? Alors, donc c'est une question effectivement... alors la première chose qu'il faut avoir en tête pour comprendre, c'est que c'est l'univers qui est en expansion. Hein, c'est pas, les objets ne bougent pas. Hein, c'est vraiment l'univers qui s'expand. Alors, si c'est l'espace entre les galaxies qui a tendance à augmenter. C'est cet espace qui augmente. Et donc, si l'univers est en expansion accélérée et que rien n'arrête cette expansion, eh bien, l'expansion va être de plus en plus rapide et rien n'empêche un univers en expansion accélérée de s'accroître plus vite que la vitesse de la lumière. Parce que la vitesse de la lumière. Même la relativité générale ne l'empêche pas. Non, mais ce qui se passe ici, c'est que c'est l'espace lui-même qui est en expansion. Donc, il n'y a pas. Les photons se déplacent toujours à la vitesse de la lumière dans cet espace, mais l'espace lui-même, il peut être en expansion plus rapidement que la vitesse de la lumière. Alors, vous imaginez que si c'était le cas, eh bien, de la lumière émise par un objet quelconque n'arriverait plus jamais à nous atteindre. Parce que, effectivement, l'univers s'accroîtrait plus rapidement que la vitesse de propagation de la lumière. Ce qui veut dire qu'on finirait non seulement par un univers dilué, parce que l'univers est de plus en plus grand, mais qu'en plus on finirait dans un univers complètement sombre, parce qu'on n'aurait plus accès à l'information lumineuse des autres objets. On ne verrait plus les étoiles. Et puis, il y a un moment aussi où j'imagine les objets eux-mêmes, c'est ce que j'ai lu en tout cas, finirait par se déchirer J'ai lu que même les amas de galaxies, les galaxies, les étoiles, les planètes, oui, les molécules, les atomes eux-mêmes. Voilà, donc à la in fine, si cette accélération continue, en plus, l'univers finirait par se désagréger. Voilà, puisque. Alors attendez, monsieur, je suis là pour ça. Il faut qu'on vous entende parce que vous avez une belle voix qui porte, mais quand même, ça va pas jusqu'au bout. Quand même. Merci bien. Mais une telle théorie ou de telles constatations, est-ce que ça ne remettrait pas en cause fondamentalement les théories d'Einstein ? Non. Même avec des extensions de. Non, parce que. Ce dont vous parliez tout à l'heure. La possibilité d'avoir un espace en expansion ne contredit absolument pas le fait que la propagation de l'information ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de contradiction. Donc, c'est pour ça que c'était très important de préciser que c'est l'espace qui est en expansion. Olivier Damar, là. Peut-être ajouter une explication de profane, parce que pour moi aussi, ça n'a jamais été facile de comprendre ça. Yannick me corrigera si je me trompe, mais je pense qu'il faut imaginer deux véhicules qui roulent l'un vers l'autre sur une sphère qui est en train de gonfler. Et si la sphère gonfle pas très vite, les véhicules se rapprochent. Et les véhicules ne changent pas de vitesse sur la sphère. Mais si la sphère gonfle de plus en plus vite, il va arriver un moment où la distance entre les deux véhicules va cesser de décroître. Et puis au contraire, elle va finir par augmenter, même si les véhicules continuent à rouler sur la sphère l'un vers l'autre. Monsieur, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Oui, voilà, je me présente. Je suis physicien, docteur en sciences. Et je me suis lancé dans la cosmologie vers les années 90. Et j'ai regardé l'histoire de la cosmologie. Et j'ai vu qu'il y avait... Au temps du démarrage de la théorie du Big Bang, il y avait une théorie concurrente, la théorie du steady state. Hein, ça veut dire en français le régime permanent d'expansion, c'est-à-dire qui obéit au principe cosmologique parfait. C'est-à-dire que on aurait une homogénéité spatiale, mais également temporelle. C'est-à-dire que toutes les constantes cosmologiques seraient des vraies constantes. Par exemple, la constante de Hubble, le rayon de Hubble, serait constant. Autrement dit, l'expansion... Elle était prévue d'ailleurs, ils avaient prévu une expansion accélérée de loi exponentielle, ça a été prévu. C'est-à-dire que quand on m'a signalé l'accélération, j'étais pas du tout étonné. Justement, j'étais le seul à pas être étonné, parce qu'on dirait que j'étais le seul à me rappeler de la théorie concurrente. Et je vous signale qu'en faisant une simple analyse dimensionnelle, à partir de la constante H bar, G et du produit des trois masses des particules principales, on tombe exactement sur le demi-rayon de Hubble. Ça veut dire qu'il est fixe, à moins de croire au miracle. Donc, je vous suggère, dans votre expérience de Cleve, une quatrième... Non, mais c'est pas des blagues. Vous pouvez vérifier le calcul ce soir, si vous voulez. Vous trouverez le demi-rayon de Hubble qui est connu à 4% près, simplement en partant de constantes universelles qu'on sait qu'elles sont invariantes. Bon. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'envisager une quatrième possibilité dans vos trois hypothèses, c'est qu'on a un principe cosmologique parfait et qu'on a une expansion accélérée de forme exponentielle. Donc vous devrez vérifier que la loi est exponentielle. Merci monsieur pour votre contribution. Ah oui, et monsieur dit heureusement que j'étais là. Merci beaucoup pour votre contribution monsieur. Alors on va s'écouter. Moi j'ai pas très bien compris, mais peut-être que je suis sûr au moins que. Oui, mais moi j'ai pas compris. Je dis pas que c'est pas clair. Je dis que moi je n'ai pas les connaissances pour comprendre. Mais monsieur Méliès, peut-être que vous pouvez répondre à monsieur. Alors c'est vrai que le modèle de steady state est un modèle qui a été proposé, qui est largement discuté et débattu, et qui l'a été pendant un certain nombre d'années, qui a fait l'objet d'un grand nombre d'observations pour tenter de voir sa validité. C'est un modèle, comme tous les modèles, qu'il faudra continuer d'explorer, parce que la physique ne connaît pas vraiment sa vérité. C'est la vérité. Elle arrive à falsifier les choses en tentant d'expliquer les lois de la nature, les phénomènes de la nature. Mais on n'a jamais de vérité absolue en physique. Hein, donc il faut quand même se méfier de toutes les interprétations qu'on pourrait donner. Alors le modèle de steady state, par contre, il est pour l'instant en difficulté quand on compare avec les mesures des fluctuations que l'on voit dans le fond diffus cosmologique. La distribution des fluctuations qu'on voit dans ce fond diffus cosmologique s'écarte très très notablement des prédictions du steady state. Alors, le fond diffus cosmologique, ça, je sais ce que c'est. C'est une... Comment dire, c'est, disons, 380 000 ans après le Big Bang. C'est lorsque l'univers est devenu transparent. Voilà, quand l'univers est devenu transparent, 380 000 ans après le Big Bang, et on est capable... L'univers a émis un rayonnement, et on est capable, nous, de visionner ce rayonnement. Et donc, on a une sorte de photo de la distribution de la matière... telle qu'elle se trouvait voilà, dans l'enfance, dans la toute petite enfance de l'univers. Les photos, c'est ce que fait par exemple le satellite Planck. Donc il photographie, le satellite européen Planck, qu'Olivier Lamarre l'avait évoqué tout à l'heure, il photographie effectivement ces fluctuations de densité et de température qui sont, que l'on voit dès que l'univers devient transparent. Et donc ça, pour vous, ça entre un petit peu en contradiction avec... Lorsque l'on compare ces fluctuations et les propriétés de ces fluctuations aux prédictions du modèle steady state, eh bien, on s'en écarte véritablement. C'est pour ça que ce modèle de steady state, qui a été en fait un des premiers qui a été comparé aux observations, a du mal à survivre. Ok, merci. Alors, on va passer à une autre question. Oui, bonsoir. Justement, par rapport aux trois ou quatre modèles, je ne sais pas, à étudier. Vous parliez tout à l'heure du fait que peut-être le modèle comme quoi l'univers n'est pas homogène et isotrope s'il vous plaît. Était peut-être invalide. Qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait justement le fait qu'ils soient invalides? Est-ce qu'on a une idée de ce qui pourrait causer Oui, cette troisième hypothèse que l'univers ne serait pas homogène et isotrope, pourquoi? Donc il y a deux grandes hypothèses. La première, c'est que nous-mêmes, les terriens, on vivrait dans une zone très particulière de l'espace qui serait plutôt vide relativement à la densité moyenne de cet espace-temps. Donc on calcule la densité moyenne de matière dans l'univers, la distribution de la matière noire et aussi des galaxies, et on se rend compte qu'effectivement elle est quand même relativement hétérogène. On voit des grands vides et des zones très denses de matière. Et si on se trouve dans des secteurs particulièrement vides, par exemple, on n'est plus dans une position moyenne. Et donc, ce qu'on observe de l'univers caractérise plutôt des propriétés qui sont relativement locales. Et donc, à ce moment-là, effectivement, ce qu'on observe, c'est une propriété très locale. La seconde, ce serait que l'univers, l'expansion de cet univers, elle est intrinsèquement anisotrope. Et donc, il y aurait des directions privilégiées qui ne sont pas, évidemment, fantastiquement élevées, parce que sinon, on l'aurait déjà vu, mais de très légères déviations de la direction d'expansion par rapport à la direction moyenne. Et dans ce cas-là, ce sont des propriétés intrinsèques que l'on observe. Donc, il peut y avoir les deux options pour tenter de comprendre pourquoi on observerait une accélération apparente de l'expansion. J'ai laissé mon micro quelque part, mais c'est monsieur qui l'a. Une question du point de vue organisation industrielle et du point de vue organisation scientifique. Par rapport à ce que vous nous avez dit, il y a environ 1000 personnes qui travaillent sur ce projet. Où est le headquarters et qui a réellement la maîtrise du projet? Est-ce que c'est l'ESA? Alors le headquarters, on parle de H-bar, on parle de plein de choses, mais les headquarters, je ne sais pas non plus ce que c'est. L'état-major, excusez-moi, l'état-major. Headquarter, ça y est, j'y suis. Alors, le projet Euclide, c'est l'ESA. C'est un projet de l'ESA. C'est-à-dire que c'est parti d'une idée des scientifiques, ça a fait son bonhomme de chemin, mais une fois que l'ESA l'a sélectionné, c'est un projet de l'ESA. C'est l'ESA qui pilote. Donc c'est l'ESA qui est responsable au final devant le contribuable européen du fait que le projet va bien délivrer les mesures qu'on veut et que l'argent, les 900 millions ou le milliard qui aurait été dépensé, ne l'aura pas été en vain. L'ESA, le headquarters de l'ESA, c'est à Paris. La partie technique, on va dire... Le siège de l'ESA, c'est à Paris, dans le 15e arrondissement. La partie technique, où il y a les ingénieurs de l'ESA qui suivent le développement du projet, qui spécifie aux industriels le satellite, etc., c'est à Noordwijk, à côté d'Amsterdam. Ça, c'est pour la partie ESA. Et il y a la partie... alors peut-être un petit retour en arrière pour bien comprendre le montage de ce genre de projet. C'est toujours comme ça à l'ESA pour les projets scientifiques. Dans tous les projets quasiment de l'ESA, il y a un partage des tâches entre l'ESA et les différents pays membres. Donc l'ESA se charge en gros, en général, du satellite, sauf les instruments, c'est-à-dire les détecteurs, toute l'électronique qui va autour, qui sont placés derrière le télescope pour mesurer la lumière. L'ESA se charge de tout ça, du lancement, d'opérer le satellite, c'est-à-dire d'envoyer les commandes pendant qu'il est en vol. Et les pays membres de l'ESA, c'est-à-dire les pays européens, avec des contributions parfois hors Europe, hein, comme c'est le cas pour Euclide, se chargent de fournir ces fameux instruments dont on a parlé pour la partie visible et puis le spectromètre pour spectro-imageur pour la partie infrarouge. Et ça, cette partie instrumentale et les logiciels scientifiques qui vont traiter toutes les données au sol, ça, sont fournis par ce fameux consortium qui comprend à peu près 1000 personnes, qui est un montage quasi miraculeux, qui vient du fait qu'il y a énormément de gens qui sont très intéressés par ces mesures, qui se sont mis ensemble, qui n'ont pas toutes la même façon de voir les choses, on a pu le voir, qui se disent « moi, je pense qu'il faudrait mieux faire comme ça, je pense qu'il faudrait mieux faire comme ça ». À un moment donné, les méthodes à employer, par exemple. Ouais. Et à un moment donné, toutes se disent « bon, si on veut que ce projet se fasse, que l'ESA le sélectionne, que les instances dirigeantes décident le projet, il faut qu'on se mette d'accord, on fait des compromis ». Et c'est comme ça que ce consortium naît, et on se répartit au travers de ce consortium de laboratoires européens, il y en a beaucoup en France, soutenu par le CNRS, un peu le CEA et puis le CNES. Le Commissariat à l'énergie atomique. Le Commissariat à l'énergie atomique qui participe également. On se met d'accord sur une répartition des tâches. Alors on y reviendra, mais il s'agit de construire ces instruments et ce qu'on appelle le segment solo scientifique, hein, les logiciels au sol. Et là, chacun va faire un morceau, donc c'est très, très, très compliqué. À la fin, il faut emboîter tout ça. Il s'agit de ne pas empiéter sur le précaré du copain allemand, du copain italien, parce que sinon il va se vexer. Il faut en même temps qu'il soit un peu visible sur l'affiche. Tout ça, c'est une alchimie extrêmement compliquée. Yannick n'est pas pour rien dans le succès de ce montage. Il est diplomate, Yannick Mélier. Très, très, très. Mais il n'a pas encore fini, il y a encore du boulot. Il faut bien voir que on est quand même sur, dans ce problème de cosmologie, de matière noire et énergie noire, c'est quand même assez spéculatif. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas d'hypothèse, quoi. D'un côté, oui, c'est ça. C'est que d'un côté, on a des faits observationnels qui confirment très largement les prédictions théoriques d'un scénario cosmologique qu'on a établi. Donc, on est face à une certaine fierté parce qu'on arrive à voir des choses prédites. Mais par ailleurs, on arrive à prédire tout ça grâce quand même à deux grandes entités qui sont la matière noire et l'énergie noire, qui représente 90%, 95% même, du contenu en matière énergie de cet univers. Donc, il y a quand même quelque chose qui crée la spéculation et parfois l'énervement. D'accord, je comprends. Yves Lamarche, vous aviez terminé, peut-être que vous vouliez poursuivre. Juste, on voit bien avec vous, en tout cas, que c'est une organisation gigantesque. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. On a une question sur Twitter. Oui, bonsoir. C'est une question beaucoup plus terre à terre, je suis désolé. Une tweeteuse qui demande si le budget qu'on a évoqué tout à l'heure pour cette mission de 900 millions d'euros représentait un budget normal vis-à-vis de l'espace, en fait. 900 millions, ça représente quoi, là, pour une mission spatiale? Alors, disons 1 milliard pour faire un chiffre. Allez, 1 milliard. Pour faire un correctif sur Twitter. Pour Euclide, alors je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Le satellite Hubble, avec les différents vols de la navette spatiale pour aller le changer des équipements à bord. Ouais, c'était très particulier, Hubble. Mais c'est pour donner les extrêmes. Oui, c'était l'extrême. Là. Donc là, c'est à peu près 10 milliards de dollars, pas très différent en euros. Le James Webb Space Telescope qui prendra sa relève à la fin de la décade. Qui va prendre la relève de Hubble. De James Webb, oui, à la fin de la décennie. Ouais. Voilà, c'est du même ordre de grandeur, un petit peu moins. Si on compare... Même ordre de grandeur, c'est-à-dire autour de 10 milliards, hein, autour de 8 milliards et quelques. Voilà. À l'autre extrémité de l'échelle, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du satellite Coro, qui cherche des exoplanètes, qui est français, qui a été fait par le CNES avec des contributions d'autres pays. Coro, c'était à peu près 170 millions. Mais Coro, le télescope fait 27 cm de diamètre au lieu de 2,40 m sur Hubble. Voilà, vous voyez, entre 170 millions, qui est vraiment, on va dire, pratiquement le moins cher de ce qu'on peut faire pour faire avancer la science, parce que ce qui est facile a déjà été fait. Hein, donc ce qui est facile a déjà été fait. Voilà. Donc, voilà, ce qui reste, c'est ce qui est difficile à faire. Voilà, et coûteux. Donc, 1 milliard, je dirais, c'est une mission moyenne, comme le disait Yannick. C'est-à-dire que les grandes missions de l'ESA, comme XMM Newton, qui est un observatoire en rayons X qui vole actuellement, c'est plutôt 1,3 milliard, 1,4 milliard. Bon, allez, on s'en tire bien, là. C'est pas mal, 1 milliard. D'autres interventions ? Ah, j'ai plein de... Oh là, je reviens. Alors, attendez, parce que priorité à ceux qui n'ont pas encore eu la parole, et j'ai plein de mains qui se lèvent, là. Oui, bonsoir. Je voulais simplement savoir si... les trous noirs étaient quelque chose qu'il fallait prendre en compte dans cette expérimentation ou si c'était complètement hors sujet. Oui, alors donc on a souvent cette question et en fait les trous noirs non, n'interviennent pas. Les trous noirs sont des puits de potentiel extrêmement concentrés, mais qui sont très très localisés et qui ont une contribution totalement négligeable au domaine d'exploration qu'on est en train de discuter là. Donc, ce qui n'empêche pas que c'est fascinant. Mais... N'oubliez pas vos questions, je viens vers vous tout de suite, mais Raphaël a encore quelque chose à nous dire. Oui, effectivement, la question existentielle que je m'étais posée dans une chanson précédente sur l'expansion de l'univers, ben, j'ai eu des éléments de réponse, donc je suis très rassuré, donc j'en ai fait une autre chanson. Je suis infiniment rassuré, paraît que ce ne sont pas les objets qui sont en expansion dardard, mais que c'est l'espace qui les sépare. L'expansion de l'univers s'accélère, notre expansion est stable, c'est normal. Nos atomes ne se sépareront que dans bien longtemps. Dormons sur nos deux oreilles en attendant. Avec toutes ces infos, j'ai pris une sacrée claque. D'ailleurs, il paraît même que tout ça, c'est niveau bac. L'expansion de l'univers s'accélère. Notre expansion est stable, c'est normal. Merci, merci. Merci. Oui, bonsoir. Une petite question mathématique. Je crois qu'on considère d'habitude que l'univers est constitué à 25% de matière noire, 70% d'énergie noire et à peine 5% de matière baryonique. Mais d'où est-ce qu'on tire ces chiffres? Puisque par définition, on ne connaît pas l'univers. Donc, alors, et puis j'ai une autre question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de faire, de dire, voilà, c'est le contenu en énergie, en fait. Hein, parce que la matière, c'est de l'énergie. Voilà. Donc la matière noire, c'est de l'énergie. La matière baryonique, c'est la matière... qui constitue notre dîner, notre corps. Alors, pour donner un exemple, comment on peut calculer la quantité de matière noire et voir si elle correspond à la quantité de matière normale, l'exemple le plus simple, c'est certainement de prendre les fameuses rotations de galaxies. Vous savez que les galaxies spirales, en particulier, tournent autour d'elles-mêmes à plutôt grande vitesse, de l'ordre de 200 km par seconde en vitesse de rotation. Et pour que les galaxies existent, il faut que le champ de gravitation maintienne ces galaxies. Donc il faut, pour que on puisse lutter contre la force centrifuge, il faut de la gravité. Donc on calcule en fait, on observe les courbes de rotation de galaxies, on regarde comment ces courbes de rotation évoluent en fonction de la distance par rapport au centre de cette galaxie. Si toute la matière était concentrée dans les galaxies et appartenait à la partie visible, c'est-à-dire la lumière, les atomes, eh bien on s'attend à ce que lorsque l'on s'éloigne progressivement, la vitesse de rotation devrait décroître. Ça, c'est les lois de Newton qui nous l'apprennent, et en l'occurrence ici, c'est même les lois de Kepler. C'est la dynamique classique, parfaitement connue et maîtrisée, et qui marche à l'échelle des galaxies. Donc ce qui devrait se passer, c'est que plus on s'éloigne du cœur de la galaxie... Moins elle tourne vite. Moins la galaxie devrait tourner vite. Voilà. Au bord, la galaxie devrait tourner moins vite qu'au centre. Et lorsque maintenant on mesure la vitesse de rotation de la galaxie, on se rend compte que ça ne décroît pas. Et donc, pour que ça ne décroisse pas, il faut rajouter de la matière. Et cette matière, on ne la voit pas, c'est effectif. C'est-à-dire, on voit la lumière, donc c'est-à-dire ce qu'émet la lumière, la matière normale, voilà, comme lumière. Comme une mais étoile, on ne voit pas, c'est les étoiles, c'est la lumière des étoiles. Voilà, on ne voit pas la matière qui est responsable de l'absence de décroissance de la vitesse de rotation des galaxies. Donc ça, c'est caractéristique. Et maintenant, quand on compare la quantité de matière qu'il faut par rapport à la quantité de matière que l'on voit, eh bien on se rend compte que même dans les galaxies, on est dominé par une matière invisible. Donc on a besoin de matière noire dans l'univers. Oui, alors Monique. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est de la matière qui permet à cette galaxie de tourner à la vitesse à laquelle elle tourne réellement, plutôt qu'une énergie noire qui, justement, accélérerait sa rotation exactement comme elle accélère l'expansion de l'univers? Voilà, parce que là, on parle de gravitation. Quand on parle de gravitation, on parle de matière. La matière noire, ou la matière visible, quand on exprime le mot matière, on exprime quelque chose qui est sensible aux lois de la gravité. Alors, il y a le dernier contenant, c'est le contenu, si je puis dire, c'est l'énergie noire. Comment est-ce que vous avez calculé que l'énergie noire, c'était environ 70% du contenu en énergie de l'univers, 25% à la matière noire et 5% seulement à notre matière connue, baryonique? Voilà, donc pour ça, en fait, on calcule quel est le taux d'énergie, quelle est la quantité d'énergie qu'il faut ajouter dans l'espace-temps pour expliquer l'amplitude de l'accélération de l'expansion. D'accord. On voit les effets de l'accélération de l'expansion. Et donc, on se dit, on est capable de calculer combien d'énergie noire, exactement, combien d'énergie il faudrait pour produire cette accélération de l'expansion. Exactement. Donc, en mesurant cette accélération, on déduit quelle est la quantité d'énergie sombre qu'il faut dans cet univers pour expliquer cette accélération. Monsieur. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si on peut, à travers la physique des particules élémentaires, essayer de donner une explication ou pas à l'énergie noire. C'est-à-dire avec notamment les expériences au grand collisionneur, je crois, du CERN, et l'histoire du boson de Higgs, par exemple, ou du champ de Higgs, qui pourrait redonner une définition de la masse. Est-ce que ça pourrait expliquer des choses? Alors là, il y a une réponse, en deux temps à donner. La première, c'est... est-ce qu'on peut utiliser les accélérateurs de particules pour caractériser, non pas l'énergie noire, mais la matière noire? Parce que cette matière noire, il faut la trouver. Et donc, effectivement, il y a des expériences. On avait évoqué le grand collisionneur de Genève, du CERN, mais il y a aussi des expériences qui donc sont... Donc, c'est l'immense accélérateur de particules qui se trouve... Voilà. Qui doit faire une trentaine de kilomètres de circonférence à la frontière franco-genevoise. Voilà. Donc, qui effectivement a été construit au départ pour déterminer l'existence et caractériser les propriétés du boson, peut-être du boson de Higgs, si c'est le bon. Et ces grands collisionneurs, effectivement, on peut les utiliser pour voir des particules de matière noire, en tout cas, leur interaction avec les autres particules. Ah, on pourrait produire des particules de matière noire et on pourrait déterminer leur présence en voyant comment elles agissent sur les autres particules. Exactement. Ouais. Donc, c'est déjà produit, ça ou pas? Non, je crois pas. Alors, ce sont, au LHC, donc on n'a pas encore vu. Au CERN, c'est le grand collisionneur. Donc, on n'a pas encore pu voir ces particules de matière noire. Et puis, dans d'autres expériences qui sont faites en souterrain, où on utilise d'autres techniques pour détecter ces particules de matière noire qui interagissent quand même avec la matière, très très très faiblement, puisque c'est une de ses propriétés. Mais ce minimum d'interaction, on peut quand même le détecter. Pour le moment, aucune de ces expériences n'arrive à trouver cette matière noire. Alors l'autre question qui est-ce qu'on peut utiliser ces grands accélérateurs ou ces grands détecteurs pour caractériser l'énergie sombre? Donc non plus la matière noire, mais l'énergie noire cette fois-ci. Voilà. Alors là, c'est beaucoup plus difficile parce que l'énergie sombre agit essentiellement aux très très grandes échelles. Sa manifestation. Donc c'est très très difficile de les caractériser par ces méthodes. C'est pas la bonne échelle. Alors, par contre, il existe parmi les hypothèses sur ces caractérisations de matière noire, puisqu'elle exerce une pression négative, elle se comporte un peu comme les fluctuations quantiques du vide. Et donc il est tout à fait possible que cette énergie sombre, en fait, la source de cette énergie sombre, soit... les fluctuations quantiques du vide fondamentalement. Alors qu'est-ce que c'est que les fluctuations quantiques du vide? Eh bien, les champs quantiques qui caractérisent la microphysique... Alors attendez, c'est compliqué, le début de phrase est compliqué. C'est presque aussi compliqué que les phrases de monsieur tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait dire que le vide n'est pas vide? Voilà, en gros c'est ça. En réalité, c'est-à-dire le vide n'est pas vide. Le vide... est vide, mais il fluctue, il a des fluctuations, et ces fluctuations sont réelles. Voilà. Donc, il y a des fluctuations d'énergie, on peut dire ça ? Des fluctuations d'énergie que l'on peut effectivement caractériser si elles existent. Alors, quel lien entre ces fluctuations ? C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il peut naître des paires de particules disparaissent aussitôt. C'est qu'on est capable de calculer la densité d'énergie de ce vide et de comparer à la densité d'énergie sombre qu'on observe par l'accélération de l'univers. Et on se rend compte que... Donc, est-ce que finalement cette énergie noire ne serait pas en réalité l'énergie du vide ? Exactement. Ouais. Donc c'est ça la vraie question qui rejoint donc la microphysique, le sens de votre question au départ. Et malheureusement, lorsque l'on calcule la densité d'énergie du vide produit, prédite par la microphysique, à ce que l'on voit, eh bien la quantité d'énergie du vide que l'on voit nous, elle est incroyablement faible par rapport à ce que prédit la physique. Donc l'énergie noire, ce n'est pas l'énergie du vide. Voilà, quand on dit que c'est incroyablement faible, on est en train de parler de 10 puissance 60 fois plus faible que ce que prédit la microphysique. Et donc, un 10 avec 60 zéros derrière. On a un candidat, mais on est face à un énorme paradoxe ici, qui d'ailleurs explique pourquoi une expérience comme Euclide est si importante. C'est parce qu'elle relève véritablement de problèmes de physique fondamentale en caractérisant cette énergie sombre. J'ai une question qui est sans doute pas très claire. On parle de deux choses. On parle de la physique des particules, qui fait appel à la théorie de la relativité. La physique des particules, c'est plutôt la mécanique quantique. La mécanique quantique. Mécanique quantique, voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a de l'astrophysique avec de la physique lourde niveau bac. Moi, le bac, il est très lointain, donc je m'en rappelle pas tellement. Mais j'ai entendu parler de la théorie des cordes. Oui. Est-ce que ça pourrait faire la liaison ? Alors, la théorie des cordes peut être une des solutions. En particulier, dans ces modèles théoriques, il existe des modèles multidimensionnels, où l'univers aurait plus de 4 dimensions, plus de 3 dimensions d'espace en particulier. Et ces modèles théoriques multidimensionnels peuvent être la solution à l'existence d'énergie sombre. En particulier, les modèles de Brahe, qui sont en fait des membranes sur lesquelles serait projeté notre univers, eh bien, ces modèles de Brahe créeraient des univers à l'intersection lorsque deux membranes interagissent l'une avec l'autre. Notre univers résulte peut-être, en fait, d'interactions de membranes. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut construire des univers en expansion accélérée à partir de théories donc fondamentales qui font appel donc à des concepts assez nouveaux, enfin pas nouveaux pour les théoriciens, mais qui là pourraient prendre une réalité physique lorsqu'on sera capable de comparer les prédictions d'Euclide, enfin les observations d'Euclide à ce type de modèle. Donc l'alternative effectivement à la physique des particules telle qu'on la connaît, ce serait effectivement des modèles de cordes ou des modèles multidimensionnels qui peuvent être associés à ces modèles de cordes. Alors là, on est dans la spéculation, hein, on est dans une certaine spéculation. On est dans la spéculation et il se trouve que cette spéculation, elle va le rester encore hein, pendant un certain nombre d'années, mais Euclide, quelque part, ouvre la voie vers un champ complètement nouveau d'exploration de la physique fondamentale par ce qu'il va apporter comme information sur cette énergie sombre. Quand on parle de théorie des cordes, il faut rappeler que ces cordes, ce seraient les constituants ultimes de la matière. Hein. En dessous des protons et des neutrons, exactement, il y aurait les quarks, mais ce seraient même les constituants des quarks, exactement, qui finalement, mathématiquement, se comportent comme des cordes qui sont capables de vibrer. Exactement. Elles vibrent exactement comme des cordes. Et en fait, c'est un véritable saut conceptuel puisqu'on a tendance à considérer les particules comme des boules, des sphères. Lorsqu'on parle de particules, c'est la première intuition qu'on a, alors que là, on bascule véritablement vers quelque chose de complètement nouveau, qui sont des objets qui sont des vraies cordes qui oscillent. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans de la spéculation encore, hein, c'est pas encore établi tout ça. Monsieur. J'imagine aussi que le modèle du multi-univers aussi, ça procède du... C'est le même genre de spéculation dont on parle. Alors, donc les modèles de multi-univers, c'est un saut encore supérieur. Là, c'est assez difficile pour le moment de savoir comment on pourrait tenter de falsifier ces univers. Hein, puisque, falsifier, c'est ça que vous avez dit ? C'est-à-dire savoir si on arrive à confronter ces théories aux observations et non pas savoir si elles sont vraies, mais plutôt si elles sont fausses. Hein. C'est pour ça que je parle de falsification plutôt que de vérification. Et donc, ces modèles de multi-univers, le vrai problème, c'est que... C'est quoi un modèle de multi-univers? C'est quoi donc, l'idée? L'idée, c'est que notre univers lui-même n'est qu'un îlot d'univers par rapport à une génération d'une multitude d'univers au-delà d'une autre. Voilà. Donc, c'est un scénario théorique qui tient la route, théoriquement. On peut tout à fait imaginer que nous sommes... un élément de ce super univers. La question, c'est qu'on n'est pas capable, pour le moment, d'établir comment on pourrait vérifier ce type d'hypothèse, ou au moins l'expérimenter. Par contre, ça fait partie du champ d'application de l'énergie sombre, parce que ça permet de répondre en partie à l'origine de cette accélération d'expansion. Sinon, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que la lumière à grande distance ait des nouvelles propriétés? Bon, par moment, je pense qu'il y avait des physiciens qui avaient pensé que la lumière se fatiguait. Enfin, c'était une boutade, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la lumière, à l'échelle de l'univers, a des propriétés autres qui ne sont pas perceptibles? Oui, alors c'est. Là, on revient au principe. Alors d'abord, la théorie du photon fatigué, effectivement, est une théorie qui avait été admise il y a une trentaine d'années à peu près, pour autant que je me souvienne, en particulier par des Français, hein, Pecker et Vigier, qui avaient postulé l'idée de la théorie des photons fatigués. Et cette théorie des photons fatigués, elle ne tient pas, elle ne supporte pas les tests observationnels. Donc c'est une hypothèse intéressante, comme toute hypothèse, mais on a les moyens de la rejeter, de la falsifier, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, l'idée de dire ah ben c'est peut-être les propriétés qui changent au cours du temps, c'est effectivement quelque chose qui est tout à fait réaliste d'explorer. Alors pas forcément du photon, mais ce qu'on explore essentiellement, c'est les variations des constantes. Est-ce que les constantes fondamentales ne sont pas si constantes que ça? Et ça rejoint le champ d'hypothèses qu'on peut effectivement explorer. Et en particulier, ce type d'expérimentation comme Euclide va participer à ce type d'exploration. C'est pas qu'Euclide qui peut faire ça. Les grands télescopes géants, en particulier la future génération des télescopes géants au sol, vont pouvoir aussi participer aux tests de variation des constantes en fonction du temps. Donc, mais c'est effectivement un champ complètement ouvert aussi. Monsieur. Oui, bonsoir. En fait, ça va un peu dans la continuité de ce que vous dites. Est-ce que certaines missions spatiales actuelles ou terrestres ou spatiales, telles que par exemple Virgo, LISA, qui sont plutôt tout ce qui va toucher les ondes gravitationnelles, ou Microscope, qui serait plutôt l'observation des constantes les différentes masses graves, masses inertes, inerte. Si je ne me trompe pas. Est-ce que tout ça va un peu rentrer aussi dans l'établissement des constantes et apporter un peu d'autres éléments à Euclide et tout ce qui concerne l'énergie noire et la matière noire? Oui, alors, donc... Il y a plein d'autres expériences. Oui, donc, il y en a d'autres expériences fondamentales qui vont sonder comme ça les propriétés fondamentales donc, de l'univers. Exactement. Oui, donc, dans la question, il y a deux aspects. Hein. Il y a les expériences comme microscope, qui sont plutôt des tests du principe d'équivalence, c'est-à-dire jusqu'à quel point la masse grave est égale à la masse inerte. Ça, c'est des expériences. Microscope est bien lancé, apparemment. Là, je pense qu'Olivier peut répondre mieux que moi sur ce problème-là. Microscope, c'est un projet du CNES aussi, hein, d'un satellite. On va faire un test de physique fondamentale. Et puis, à côté de ces expériences-là dont vous avez parlé, il y a les autres expériences que vous avez évoquées, comme LISA, qui, elles, sont des expériences pour... détecter les ondes gravitationnelles, donc qui sont des ondes du champ de gravité, qui sont la gravitation comme le champ électromagnétique est capable d'émettre des ondes, qu'on appelle des ondes gravitationnelles, et qui sont des fluctuations du champ de gravité ondulatoires. Voilà. Alors, ces ondes gravitationnelles, on crée des détecteurs actuellement pour tenter de les détecter, c'est les expériences Virgo et LIGO qui sont faites au sol actuellement, pour tenter déjà de détecter ces ondes, parce qu'on ne les a pas encore détectées. Et puis des expériences comme LISA... La théorie a prévu qu'elles existent, mais... La théorie de la relativité générale, les théories de la gravitation en général, prédisent ce comportement ondulatoire du champ de gravitation. Alors, les expériences comme LISA, c'est une expérience une génération suivante qui consiste à détecter des ondes gravitationnelles dans l'espace, mais qui serait induit par des phénomènes soit astrophysiques, c'est-à-dire des effondrements de trous noirs ou des effondrements d'étoiles à neutrons, de paires d'étoiles à neutrons, qui, au moment de l'effondrement, engendrent des phénomènes gravitationnels spectaculaires et une énorme quantité d'ondes gravitationnelles. LISA, a priori, est capable de détecter ça, serait capable de détecter ça. Mais il se trouve que, à côté de la détection... LISA qui n'est pas encore envoyée, hein, et c'est pas encore prévu, il n'y a pas voilà, de lancement, etc. Donc LISA est une expérience extrêmement complexe techniquement, et qui donc a du mal à émerger comme projet réel, parce que c'est d'abord un véritable challenge technologique, et que c'est aussi une expérience particulièrement coûteuse. Donc c'est difficile de mettre sur pied cette expérience qui est en gestation depuis déjà des dizaines d'années, parce que tout le monde pense que c'est une nouvelle fenêtre. Détecter les ondes gravitationnelles, c'est une nouvelle perspective pour observer l'univers. Donc c'est véritablement quelque chose de nouveau. Alors il se trouve que non seulement les objets compacts, quand ils s'effondrent, émettent des ondes gravitationnelles, mais on sait aussi que pendant les phases très primordiales de l'univers, dans les phases en particulier avant son expansion accélérée au tout début de l'univers, avant les phases d'inflation, eh bien, l'univers avait lui-même un champ d'ondes gravitationnelles aléatoires qu'on pourrait éventuellement détecter. Donc ça veut dire que si on arrivait à détecter les ondes gravitationnelles avec LISA, si LISA était un jour lancée, on pourrait voir les ondes gravitationnelles qui ont été produites au moment du Big Bang, et donc on aurait une photographie là aussi, exactement. Une certaine photographie du Big Bang, mais à des stades extrêmement... Voilà, donc on aurait une photographie du Big Bang, elle permettrait de nous raconter l'histoire de cette période d'expansion accélérée qui a lieu au tout début et qu'on appelle inflation. Donc au travers ces nouveaux challenges, qu'il y en a encore pour quelques années avant qu'on les voit, il y a effectivement quelque chose qui est à côté d'Euclide et qui apportera aussi des informations véritablement fondamentales. Alors Olivier Lamarle, on a vu que voilà, c'était un très très beau projet, il y avait 1000 scientifiques, 1000 ingénieurs qui travaillaient dessus, c'est une communauté absolument gigantesque, il faut faire en sorte que tout le monde se comprenne, s'entende, réussisse à se mettre d'accord. Donc c'est un superbe projet, 1 milliard d'euros, mais en général, enfin l'image qu'on s'en fait en général, c'est que les Américains, ils sont forts quand même. Ils sont forts. Et pour le coup, là, pour cette fois, on a été capable de leur brûler la politesse. Ils n'ont pas de projet concurrent. Et il faut rappeler quand même que Euclide a pour ambition d'apporter une réponse décisive à la nature de l'énergie noire, mais c'est l'Europe qui va la fournir. On n'est pas très gentil avec les Américains sur ce coup-là, parce que on profite un petit peu on cherche un petit peu à leur voler la vedette, parce que cette découverte de l'énergie noire en 98, c'était une équipe essentiellement américaine. Hein, vous savez peut-être qu'elle a obtenu le prix Nobel en 2011 pour ça. Le prix Nobel de physique, donc c'était vraiment la cosmologie, l'accélération de l'expansion, c'était une affaire américaine, c'était entendu comme ça. Et les Américains travaillent depuis cette détection de l'expansion accélérée à des projets spatiaux très ambitieux qui sont allés très loin en termes d'études technologiques, de prototypes, etc., mais qui n'avaient pas encore réussi à faire coller comme un projet décidé. Et puis les Américains, en même temps, ils se sont lancés dans ce fameux James Webb Space Telescope, qui est ce super télescope qui partira à la fin de la décade et qui prendra la relève. Décennie. Décennie, oui. Parce qu'une décade, c'est 10 jours. Décennie. Oui. Mais en anglais, c'est decade. D'accord. Oui. Et les Américains, ils font ce superbe observatoire. Que nous, en Europe, on est très contents de voir voler. On a une participation, on fournit certains instruments sur cet observatoire. Et on aura du temps d'observation, on pourra l'utiliser pour observer certaines sources. Donc on est très contents qu'ils le fassent, mais ça leur coûte très très cher, beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient prévu. C'est beaucoup plus long que ce qu'ils avaient prévu. Et pendant toute cette durée, ils n'ont plus beaucoup d'argent, côté science, côté astrophysique, pour faire autre chose. Oui, c'est ça. Il y a une dérive des coûts absolument gigantesque hein, du JWST qui devait coûter quelques centaines de millions de dollars à l'origine, enfin bon, sans le lancement. Et à la fin, on se retrouve avec un énorme machin qui coûte 8 milliards de dollars. Oui, bah, enfin, il coûte. C'est ce hors de proportion. Là. Il coûte ce que doit coûter une expérience aussi sophistiquée, aussi extraordinaire que ce projet, parce que c'est réellement. Ça avait été sous-estimé au départ. Et donc, en plus, avec la crise, la diminution du budget de la NASA, etc., la NASA s'est retrouvée en 2010 ou 2011 à organiser, avec les autres organismes de recherche américains, un grand exercice de prospective. On a demandé à tous les chercheurs américains quelles sont les grandes priorités, qu'est-ce qu'il faut faire dans les prochaines années, quelle est la grande priorité scientifique. Et ils ont tous répondu comme un seul homme, l'énergie noire. Il faut faire un grand projet d'énergie noire, très ambitieux, avec un télescope non pas d'1m20, mais d'1m50, voire plus, avec non pas deux instruments, mais au moins trois. Bref. Et la NASA a dit, bon, très bien, on va étudier ça. Et puis, la NASA s'est aperçue que ça coûtait 1,6 milliard, première estimation. Donc, quand on sait comment ça dérive, sans doute plus. Et là, la NASA est retournée les voir et leur a dit, on est désolé, mais tant que le James Webb Space Telescope n'est pas lancé ou quasiment terminé, on n'a pas un radis à mettre là-dedans. Et donc là, il s'en suivit une période assez douloureuse pour la communauté scientifique américaine à qui on a dit, bon, vous avez le choix. Ou vous misez là-dessus, sachant que de toute façon, on ne pourra pas le faire avant 2020 et quelques. Et que d'ici là, on aurait eu les données d'Euclide. Et que d'ici là, Euclide aura sans doute volé et aura commencé à fournir les données. Soit on se rallie aux Européens et puis on fournit une partie des instruments, du satellite. Et puis comme ça, on participe un petit peu par la petite porte à cette découverte. Donc les Américains auraient pu venir participer dans Euclide. Ils participent. Ils participent. Parce qu'à la suite de ce douloureux choix, qui a un peu divisé la communauté en deux, une partie disant non, nous, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est vachement mieux. Puis de toute façon, on va ça a divisé la communauté aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis. Ouais. Et une autre partie disant, il faut être réaliste, on arrivera après, Euclide aura récupéré le plus gros de la science. Donc il faut s'associer. Donc c'est ceux-ci qui ont gagné, on va dire. Et la NASA a signé un accord avec l'ESA où elle fournit, elle va fournir certains éléments très importants d'ailleurs. Quelque boulon. C'est beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce qu'elle a Mais typiquement, on a parlé de cet instrument infrarouge, hein, qui est un instrument qui fait 1m30 de long, 400 kg, hein, c'est un beau bébé, pas 400 kg, plus de 100 kg. Donc quand on envoie ça dans l'espace, c'est du quasiment jamais vu. Elle va fournir les détecteurs infrarouges. Hein. Le champ des détecteurs infrarouges, c'est une spécialité américaine. On est un peu à la traîne en Europe là-dessus, en tout cas pour l'espace. Et elle va fournir des détecteurs pour lesquels l'industrie américaine est très très forte et qui sont vraiment au cœur de la performance de cette mesure. J'avais cru comprendre aussi que les Américains, s'ils ne sont pas en mesure d'envoyer un satellite, c'est aussi parce qu'eux-mêmes n'avaient pas été capables de se mettre d'accord, que leur communauté se mette d'accord sur un seul projet. Yannick Mélier. Oui, donc effectivement, ils ont eu beaucoup de mal à se fédérer sur un seul projet. Effectivement, il y avait au moment des grandes discussions. Parce qu'on voit finalement qu'il y a plusieurs manières de réaliser la même mesure. Exactement. Donc ils avaient trois projets concurrents qui utilisaient diverses méthodes et ils n'ont jamais pu se retrouver tous ensemble pour proposer qu'un seul projet. Chacun voulait tirer la couverture à lui. Et effectivement, il y a des petites querelles de chapelle comme il peut y en avoir chez nous aussi. Et là, malheureusement, ça a joué vraiment à leur défaveur parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup traîné. Et ils n'ont jamais réussi à construire une communauté soudée qui venait avec un seul projet. Ah ben c'est nous qui l'avons eu, cette communauté soudée. J'ai promis le micro à monsieur. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, en ce qui concerne la répartition de ces masses d'énergie noire, est-ce que c'est homogène dans l'espace ou est-ce qu'il y a des sortes de grumeaux ou comme de mascom? Comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors, aux très grandes échelles, si on moyenne leur distribution, c'est quand même homogène et relativement uniforme. Voilà. Si maintenant on regarde plus en détail, en mettant des loupes un peu partout... Alors clairement, la matière noire, elle n'est pas distribuée de façon uniforme, hein, puisque il y a des amas de galaxies, il y a des galaxies, il y a des grandes structures, il y a des grands filaments. Donc la matière noire elle-même, lorsqu'on regarde dans le détail, elle n'est pas distribuée de façon homogène. Elle est vraiment concentrée et elle a tendance à se concentrer de plus en plus parce que la gravité, elle s'arrête jamais. On n'a pas encore inventé un interrupteur pour arrêter la gravité. Donc, la matière noire et la matière, en général, quand on la regarde dans le détail, non, elle n'est pas homogène. L'énergie sombre, c'est encore assez difficile à dire clairement si elle est complètement uniforme ou pas. Elle est de toute façon largement plus uniforme que la distribution de la matière noire, mais il est tout à fait possible pour certains scénarios, certains modèles d'énergie sombre, qu'elle ait tendance quand même à s'agglutiner un petit peu. Le blues des fluctuations quantiques du vide. Le vide n'est pas vide, donc le plein n'est pas plein. Un verre à moitié vide n'est donc pas tout à fait plein. L'autre jour, mon voisin avait l'œil livide. Faut dire, il était complètement plein. Je lui ai dit, de quoi tu te plains? Il m'a dit, je me sens seul, je me sens vide. Je lui ai dit, le vide n'est pas vide, donc le plein n'est pas plein. Un verre à moitié vide n'est donc pas tout à fait à moitié plein. D'ailleurs, quand on saute dans le vide, on finit par un plat sur du plein. Oh, wow. Thank you. Julien. En fait, bonsoir. Je voulais juste savoir, il est où Euclide et, enfin, il est géostationnaire ou autre? Et pourquoi, en fait? Est-ce qu'il y a une raison par rapport à l'observation de cette énergie noire pour laquelle il est à cet endroit? Alors, il est au point de Lagrange L2. Donc, le point de Lagrange L2, c'est un point quand vous avez le Soleil et la Terre. Et vous avez ce point qui est au-delà de la Terre, on va dire sur la ligne Terre-Soleil, et qui est un point d'équilibre, en fait. Donc, c'est-à-dire que le satellite à cet endroit va tourner en même temps que la Terre autour du Soleil, et donc va se retrouver en permanence dans une configuration Terre-Soleil stable. Et ce point d'équilibre est très loin, hein, il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce qui lui permet d'être aussi donc plus loin du Soleil. Donc il a moins de Soleil, donc il a moins chaud, il est très stable, il n'y a pas de perturbations liées à l'environnement terrestre comme on a en orbite basse, c'est-à-dire les ceintures de radiation de particules qui ne sont pas homogènes. Il n'a pas la Terre qui va venir de temps en temps un peu sur le bord de son champ de vue et introduire à la fois de la lumière, enfin du réchauffement en infrarouge et puis de la lumière parasite pour le visible. Donc c'est des conditions parfaites. C'est très stable mécaniquement, hein, il va pas subir de frottement avec l'atmosphère résiduelle, etc. Donc ce sont des conditions idéales pour faire des mesures très précises. Et aujourd'hui, de plus en plus, les grands observatoires spatiaux et les pour lesquels on a besoin d'une grande stabilité thermique, mécanique, orbitale, etc., sont envoyés au point de Lagrange. Une seconde, j'ai une question par ici. Oui, excusez-moi. Et j'ai même deux questions. La première, c'était de savoir si on a définitivement éliminé le neutrino comme candidat à la matière noire lorsqu'on avait appris qu'il avait une masse qui n'était pas nulle. Et deuxièmement, parmi les théories qui modifient la gravitation, on parlait il y a quelque temps de la théorie monde. Je voulais savoir si elle était également éliminée ou pas, et s'il y avait d'autres théories alternatives dans ce domaine, combien et lesquels, en gros. Merci. D'accord. Donc, concernant la première question relativement au neutrino, en fait, l'expérience Euclide, parce qu'elle va déterminer la distribution de la matière noire, va voir et va être capable de fixer une masse au neutrino. Et avec une précision qui est, pour le moment, imbattable. Donc si... Donc on comprend qu'il y a effectivement 1000 personnes, 1000 scientifiques et ingénieurs qui s'intéressent, parce que, en fait, les données que vous allez récupérer, c'est pas seulement sur l'énergie noire, hein, ça intéresse tout un tas de personnes parmi les scientifiques, et notamment ceux qui s'intéressent aux neutrinos. Donc ils sont des particules, faut le rappeler quand même, tout à fait étonnantes, qui sont capables de traverser la matière sans interagir, ou très très rarement. Et donc c'est ce qui explique aussi qu'on les détecte très difficilement. Exactement. Donc en fait... Et donc comme on les détecte peu, ça veut pas dire qu'ils existent pas, et ça veut pas dire qu'ils ont pas forcément de masse. Et donc on s'est demandé si ces neutrinos n'étaient pas la matière noire qu'on cherchait. Absolument. Et si, si c'est une contribution importante, on le verra. Une contribution à la matière noire. S'ils représentent une partie de la matière noire, on le saura. Exactement. Et on va pouvoir déterminer la masse des trois familles de neutrinos. La somme des masses des trois familles de neutrinos. Trois ou quatre, ça va dépendre. C'est peut-être quatre, mais pour le moment, c'est encore trois qui est l'hypothèse la plus raisonnable. Vous avez la théorie monde. Alors, qui s'écrit M-O-N-D. Donc, la théorie des mondes... c'est ça, hein. La théorie des mondes, c'est une théorie de la gravitation modifiée. Hein. Monde veut dire Modified Newtonian Dynamics. C'est une théorie qui tentait d'expliquer pourquoi la vitesse de rotation des galaxies ne décroissait pas à grande distance. Donc c'est une explication extrêmement locale et ponctuelle qui concerne les galaxies. Et l'idée, c'est d'ajouter à la force d'interaction de Newton un terme supplémentaire d'accélération qui serait ajusté de telle façon qu'il explique pourquoi les courbes de rotation des galaxies ne s'effondrent pas à grande distance. Donc ça a été construit, ajusté pour les galaxies. Et pour le moment... on n'arrive pas à construire une théorie de monde qui pourrait être généralisée à l'ensemble des systèmes. De surcroît, la théorie des mondes n'est pas vraiment une théorie. C'est de la phénoménologie. On rajoute un terme ad hoc en disant, quand vous dites que c'est de la matière noire, c'est ad hoc. Moi, je dis non, rajouter un terme à la gravitation, c'est aussi ad hoc, mais vous n'avez aucune raison de l'exclure, cette hypothèse. Alors, la difficulté qu'on a avec ça, c'est qu'il n'existe pas de théorie sous-jacente de la gravitation, et ça reste complètement empirique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, évidemment. Mais pour le moment, on est quand même face à des grosses difficultés. D'abord, ça reste une tentative pour expliquer uniquement les galaxies. Ensuite, quand on essaye de la généraliser à des phénomènes autres sur des plus grandes échelles, on a d'énormes difficultés. Et puis, ça reste quelque chose de purement phénoménologique. Alors maintenant, les théories alternatives, il en existe en fait une multitude, simplement parce qu'on peut les sortir de l'imagination des théoriciens. Donc on peut créer un très très grand nombre de théories alternatives, mais qui elles ont un fondement théorique. Hein. Alors ce fondement théorique, il peut être plus ou moins justifié, mais on a une multitude de faire. De construire des théories alternatives de la gravitation. Et en fait, les branes, dont je parlais tout à l'heure, font partie de ces théories. Donc là, malheureusement, je ne peux pas les énumérer, il y en a énormément. Il y a plein de façons d'aborder le problème, y compris d'ailleurs de façon phénoménologique, mais la panoplie de modèles qu'on pourrait proposer est extrêmement vaste. Alors, on va bientôt se quitter, mais j'aimerais peut-être vous poser une dernière question, Olivier Lamarle, parce que voilà, on est évidemment épaté par ce satellite, par tout ce qu'il est capable de faire, par cet engin dans l'espace. Mais ce qu'on va admirer, c'est l'engin dans l'espace. Et vous m'avez dit, en fait, il y a quelque chose qui est peut-être encore plus compliqué que l'engin dans l'espace, quelque chose qui est encore plus étonnant, c'est le segment sol. C'est ce qui se passe sur Terre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer sur Terre, finalement, de si compliqué et étonnant? Bien, c'est vrai que ça peut paraître moins spectaculaire technologiquement, mais vous avez devant vous la simulation que Yannick a fait distribuer. Donc c'est avec les deux cadrans blanc et noir, noir et blanc. Voilà, alors il faut imaginer que Euclide va nous envoyer sur Terre des images de ce type-là, de celles que vous voyez sur la droite, hein, qui ressemblent à ça. Alors là-dedans, on est passé un peu vite là-dessus, mais vous avez bien compris qu'on va caractériser la répartition géométrique de tous ces objets dans l'univers, sachant qu'on regarde en 3D. On a parlé de décalage spectral. Hein, C'est-à-dire qu'on est capable de déterminer la distance des objets, voilà. En plus, donc on est en 3D. Donc dans ces images, dans ces galaxies, il y en a certaines qui sont relativement proches, d'autres qui sont lointaines. Donc on mesure à la fois leur déformation, mais aussi leur distance, l'angle entre les galaxies, la répartition géométrique. Vous voyez qu'on a dit qu'on allait mesurer l'ellipticité, donc les déformations de ces galaxies qui sont plus tout à fait des ellipses, etc. Donc c'est notre ballon de football avec sa pièce d'un centime. Voilà, donc vous voyez. Alors il faut imaginer qu'on reçoit une image qui n'est pas celle-là, parce que celle-là, elle est déjà bien nettoyée, bien propre. L'image qui arrive au sol, elle est passée par un télescope. Un télescope, c'est donc un ensemble de miroirs qui déforment. Parce que les miroirs ne sont pas parfaits, ils ont une certaine réponse qui déforme les images. Donc on va recevoir quelque chose qui est quasiment illisible au départ. Donc il faut commencer par prendre ce qui arrive et utiliser des coefficients de calibration de l'ensemble du télescope et des instruments. On sait parfaitement que s'il y a un objet qui est en haut à gauche, mon télescope, il a tendance à faire un peu des patates dans cette forme-là. Donc on fait la transformation inverse pour retrouver la bonne forme de la galaxie. Alors après tout ce travail, on arrive à ça. Et après ça, il faut restituer toute l'information dont on a parlé, donc les distances des différents objets. Donc il faut aller trifouiller dans le décalage en longueur d'onde de tous les objets un par un. Donc ça aussi, c'est une donnée qui, à la base, est brute, hein, qui sort de l'instrument. Ce sont des valeurs de... Chaque pixel donne un niveau de lumière. Il faut calculer à partir de ça la distance des objets, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a reconstitué cette image en 3D, il va falloir calculer quelle est la répartition de la matière noire dont on a parlé, par exemple. Donc là, hein, comme on a dit, on ne la voit pas. On voit ses effets. Mais vous imaginez bien que là, on a une simulation avec une lentille gravitationnelle, donc on va dire un pâté de matière noire sur la ligne de visée. Donc les objets qui sont devant ce pâté ne sont pas déformés, ceux qui sont derrière sont déformés, ceux qui sont loin sont légèrement déformés, mais peu. Mais sauf que dans la réalité, il y en a un peu partout, ces pâtés. Et puis, pas tous dans le même plan, il y en a plus ou moins loin. Donc il faut retrouver, à partir de toutes les déformations, quelle est la répartition de matière noire en trois dimensions qui produirait cette image. Vous voyez un peu la complexité. Vous voyez, hein, ces petits points là, ils vous paraissent des points. Les tout petits points, petits, voilà, là, dans l'image en noir et blanc. Voilà, il faut aller mesurer des ellipticités là-dessus. Il faut mesurer des ellipticités sur les plus petits points que vous voyez. Des ellipticités d'une faiblesse, enfin de. Donc des déformations. Des déformations infimes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et cerise sur le gâteau, ça c'est une image, je ne sais pas, d'une fraction de degré, c'est petit. Dans une image comme ça, Euclide verra. Des milliers de galaxies. Oui, juste pour préciser, la taille du cadran que vous avez là, c'est à peu près un dixième de la taille de la pleine Lune, la dimension apparente de la pleine Lune, la dimension angulaire. Et Euclide va observer un tiers du ciel. Ah, un tiers de tout le ciel. Ouais. Donc, il va en fait analyser, il va produire des images d'environ 12 milliards de galaxies et les distances d'environ 50 millions de galaxies. Donc en termes de volume de données, comme tu disais Olivier, et de traitement de données, c'est absolument considérable. C'est un des plus grands enjeux de cette expérience, en fait. Et alors, le problème, c'est que quand on prend une image comme ça, qu'on fait des logiciels pour sortir toute cette information, on peut faire un peu à la main son propre logiciel, le peaufiner, même s'il bug un peu, c'est pas grave, on finit par se débrouiller. Là, il n'est pas question de faire ça. Pour les milliards d'objets dont on parle, il faut des logiciels qui vont tourner de façon automatique, parce que sinon, on en a pour des dizaines, voire des centaines d'années, même sur les supercalculateurs, à faire tourner tout ça. Donc il faut que ce soit des logiciels très performants et qui vont tourner de façon automatique avec une bonne qualité. C'est-à-dire qu'en plus, on n'a pas parlé des autres objets qui vont se balader dans le champ, les astéroïdes, les planètes, peut-être un petit peu de Sirius de la galaxie, etc., qu'il va falloir enlever, nettoyer. Donc tout ça, ça doit être automatisé et très robuste. Et c'est un projet dans le projet. On peut dire que le développement de ces logiciels qui vont tourner sur plusieurs supercalculateurs répartis en Europe, c'est une charge de travail et un coût qui est équivalent à la construction des instruments eux-mêmes. Alors avec l'espace, on n'est jamais au bout de ses surprises. C'est ce qu'on voit à chaque fois au Mardi de l'espace. On va le voir le 15 janvier prochain. On va parler des formes de la Terre. Donc espace et géographie. Comment est-ce que les satellites, les systèmes spatiaux, permettent d'en savoir plus sur notre Terre, à nous d'un point de vue, je dirais, géographique, hein, les formes de la Terre, et géodésique d'ailleurs. on va voir ça le 15 janvier. On sera dans un univers un peu plus terre-à-terre, hein, si je puis dire. Et vous, vous nous avez fait bien décoller, bien rêver. Je crois qu'avec vous, on a quand même compris que l'espace peut apporter des choses extraordinaires, notamment sur des connaissances fondamentales. On est vraiment étonnés et ébahis de ce que vous faites. Et c'est l'Europe qui va apporter la réponse décisive après 2020 à cette question qui est peut-être la plus grande question de cosmologie actuelle, qui est la question de l'énergie noire. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup, Olivier Lamarle et Yannick Lélier. Allez, on va se quitter avec Raphaël. Moi, je vais juste vous chanter le refrain du Bar des Sciences. Il y en a parmi vous qui doivent connaître, je pense, donc vous pouvez chanter avec moi. Donc ça fait... Au Bar des Sciences, chacun nourrit sa pensée. Chacun nourrit sa pensée. Au Bar des Sciences, chacun nourrit sa pensée. Chacun nourrit sa pensée. Allez. Au Bar des Sciences, chacun nourrit sa pensée. Chacun nourrit sa pensée. Au Bar des Sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée. Donc je vous remercie beaucoup à mon tour et je remercie Paul d'avoir chanté et participé en chœur. On peut l'applaudir pour son chant quand même. Ah oui, ça c'est Dark Vador. Sa grande spécialité, c'est Dark Vador. Voilà, merci beaucoup. Au revoir au 15 janvier pour les formes de la Terre. Au revoir, merci.